Ceci est un message d'urgence publique à l'attention de tous les auditeurs d'Énergie. Le programme qui va suivre peut s'avérer dangereux pour votre santé mentale. Nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés à votre cerveau. Nous déconseillons aux enfants d'écouter cette émission. Mais vous pouvez nous écouter en cachette de vos parents. Vous êtes des centaines de milliers à le faire. Nous déconseillons aux adolescents d'écouter cette émission. Sauf s'ils veulent entendre des histoires coquines et gagner des cadeaux, car leurs parents sont radins, ou que vous avez la flemme d'aller vous trouver un job étudiant. Nous déconseillons aux parents d'écouter cette émission. Car vous pouvez griller vos enfants, parler de vous à l'antenne. Non, je ne crois pas, non. Nous déconseillons à la police d'écouter cette émission, car vous vous sentirez obligé d'intervenir dans les locaux d'Énergie pour arrêter cette équipe de déjantés. Nous déconseillons aux patrons d'Énergie de nous écouter, car ils n'ont pas signé pour une émission qui ne finit jamais à l'heure. Nous déconseillons au CSA de nous écouter, car ils vont se marrer. Nous conseillons aux pompiers d'intervenir, car Vince et toute sa team vont mettre le feu ce soir. 21h minuit, du lundi au vendredi, Vince sur NRJ. Richard est dans la maison sur NRJ. Mais voilà, c'est ça même. Bienvenue tout le monde, on est dans la maison ce soir. J'espère que ça va bien. Ça monte, mais calmez-vous, 21h, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Lara, comment ça va Lara? Hey, ça va super. Alright. Bien. Je constate, il y a Nigel qui est dans la maison aussi ce soir. Bonsoir Nigel. Ouais, bonsoir. Comment ça va Nigel? Ben, ça va très très bien, ouais. Est-ce que ton ramage se rapporte à ton plumage? Ouais, exactement, ouais. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais au calme. Mais donc, ça veut dire, est-ce que tu connais aussi pas ça, intelligent toi? Que beau? Voilà. Ah, merci frérot, ouais. Ah, ça me touche. Non, bah du coup. C'est manière de vanner un peu, tu vois. Tu connais pas le corbeau et le renard? Ah, on va faire foutre. Tu connais pas le corbeau et le renard? Vas-y, je connais le corbeau et le renard. Mettre corbeau sur son arbre perché te détend son bec un fromage. Ah, tu te fous de mon gueule? Mais oui, hey, bien sûr. Renard, c'est comme lécher. Ça. Lui teinte à peu près son langage. Et bonjour, monsieur les corbeaux, que vous êtes. Je suis plus la suite. Waouh, bravo. Ça date. Merci, ah, Lara. Ça m'a donné des cours, mais ça connaît pas tout. Hein. Voilà. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sentit plus de. Je sais plus trop. Voilà, mais c'est pas grave, ça m'est revenu, tu vois. Et dès qu'il a fait le mal avec moi, il y a mon cerveau qui donner des informations. On va lire des fables de temps en temps. Ouais, il y a Eddie qui est là. Hola Eddie, comment est-ce que t'as? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Muy bien. Est-ce que la vie est belle? Mais la vie est belle. Est-ce que Eddie mouille bon, bien? Est-ce que. Quoi? J'ai pas entendu. Non, est-ce que Eddie mouille bien? Excellent. Oui. Et puis juste à côté d'Eddie, on a Thibaut qui est là au standard. Yo, ça va Thibaut? Comment vous allez? Ouais, très bien. Moi. Il est là, dit 5, 6, 26, 7, 8, 9. Voilà, il décroche au standard, les amis. 0802-3456, c'est moi, Vince. Je m'occupe bien sûr de lire vos messages comme vous en envoyez très très souvent là sur le WhatsApp. 0492-222-002. Et ce soir, gros programme. Attends! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et toi, comment tu vas? Ah, merci. Oh, c'est tellement gentil. Ouais. Tu vois, parfois, dans la live comme ça, il y a des moments où on essaye de garder le sourire et que les choses se passent. Et il suffit d'une personne pour désilluminer avec une petite question. Et voilà. Et toi, comment ça va? Et toi, comment ça va? Mon fils m'a chié dessus. Mon fils t'a chié dessus. Il m'a pissé dessus. Il m'a vomi dessus, tout ça. C'est une marque d'affection. Je lui ai fait trois biberons. Il en a mangé un, les autres. Il les a remis sur ma bouche et tout. Ouais. Parce qu'il a fait comme un alien dans les films aliens, qui crachent leur venin, leur suc gastrique. J'ai l'impression que mon fils voulait me digérer comme une araignée qui lâche son suc gastrique pour après tout sucer comme ça, sucer mon énergie, ma force. Je n'avais plus rien, je suis arrivé au bout du rôle au fin de la journée parce que mon fils est malade. Bah, écoute, oui. Et il est tellement malade que je me dis, mais mon Dieu! Mais s'il avait été malade, genre une semaine, mais comment est-ce que j'aurais pu gérer ça? Je suis fatigué, il ne dort plus, je suis en train de craquer, t'es bon? Qu'est-ce qu'il a? Et puis après, il a arrêté de faire de malin quand j'ai commencé à regarder Batman à la télévision. Et voilà. Non, mais c'est très sérieux, hein. J'ai acheté la série animée de Batman 1992. Il a kiffé comme un ouf, là depuis, Batman. Il m'a plus ennuyé. Ah oui? Ah, oh, génial, ah, non, vraiment un petit plaisir. T'as pas connu, toi, la série de Batman 92? Oh, non, j'ai pas c'est connu, le non. Top. Ouais. Rien que la musique, elle te met la pression comme Jaja, quoi. Bah, de ouf, Batman 92, c'est genre, c'est la base de tout, hein. Wow, mais la musique, mais attends, mais moi. Il a été fait par Bruce Timm, gardez ce nom-là, parce que tous les films Justice League que vous voyez en dessin animé et tout ça, c'est le même mec qui le fait. Encore maintenant? Encore maintenant, tu sais, les dessins animés et tout, là, c'est lui qui fait ça. Okay. Et Bruce Timm. C'est un réalisateur, Bruce Timm. Ah. Voilà. C'est le Bruce Lee du dessinage. C'est ça, parce que l'autre, il s'appelle Bruce, non? Oui, il ouais, s'appelle Bruce, pas c'est, Bruce c'est Lee. C'est une coïncidence extraordinaire. Et voilà, il s'appelle Bruce Wayne, le héros de Batman. Vrai, effectivement. Mais effectivement, cette série de Batman 1992, oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien. Qu'est-ce oh là qu'elle là, est... là, elle mettait trop la pression. Elle met la les dessins, pression. Ils étaient bien faits. Il était là. Ouais, dans le clair-obscur, noir et blanc, tout ça. Bah attends, Vince, vas-y, tape-nous, s'il te plaît. Il avait une mâchoire carrée comme ça en mode waouh. C'était chouette, cette série. Pour ceux qui n'ont pas connu, franchement, il y a maté et tout. Meilleure série Batman ever. Hein. Et c'est eux qui ont inventé le personnage d'Harley Quinn aussi. Ah oui ? Magnifique. Écoute-moi ça. Oh my god. Oh, la pression du truc. Tu vois, ça commence tout bas d'abord. Ça commence gentiment. Tout doucement. Tu sens la puissance du truc. Tu sens la. Attends, je vais avancer un peu. Ouais, parce que merde. Voilà. C'est pour déconner, Carmen. Elle est où, là ? Ah là, qui a connu cette série de 1992 ? Cette série de Batman. Ouais, voilà. Ça a inspiré directement tous les jeux vidéo Arkham City, Arkham Asylum, qui ont fait des records en matière de vente de jeux de super-héros. Hein. Ok. Inspiration directe. Écoute ça. Oh ! C'est fini les séries comme ça, avec des instrumentalistes, où on te mettait une pression comme ça dans le générique. Oh, écoutez ça, encore profitez-en. Ah. Oh là là, non mais hey. Ça cette me donne série, envie de déployer mes si ailes. Vous n'avez jamais vu la série 1992, franchement, allez mater cette série de Batman, c'est la meilleure, vraiment. Joker, la voix du Joker, elle était mythique, c'était la voix de le mec qui fait la version française du Doc Emmett Brown dans Retour vers le futur. C'est Marty. Ouais, genre tu vois Marty. Bruce Wayne. Voilà, Bruce Wayne. Un truc dans le genre. Bon, les amis, merci à vous d'être connectés. Il y a Peno qui me dit yes tous les mercredis sur France 3. Ouais, effectivement, c'était les mercredis sur France 3 ouais à 19h40 ouais, et je me rappelle après je devais être au dodo. Ah ouais. Cédric est connecté. Salut la team, vous allez bien? Salut Cédric, merci pour ton message. Les amis au standard, appelez Cédric là, checker Cédric, il voudrait réagir par rapport à un sujet et puis une personne qui nous a jamais envoyé de message et nous envoie un message pour la première fois. Alors attends, parce que du coup il va falloir que je coupe le générique, hein, sinon ça va se matraquer ensemble. T'as dit quoi ? Je sais pas si vous voulez l'entendre, mais j'ai une petite blague, c'est. Oula ! Un blédard en smoking, levez-vous accusé. Le quoi ? Il a dit quoi à la fin ? Un blédard en smoking, levez-vous accusé. J'ai pas compris, hein. Bah voilà. C'est... Je crois que c'est la vanne la plus claquée qu'on a sur notre vocal. Me la gratuite. Mais c'est pas grave. Coucou Vin, je vous écoute depuis le 27 août, mais je n'osais pas envoyer de message. Et ben voilà, tu viens de le faire pour la première fois ce soir. Coucou à Mayra également qui est connectée au top, les gars. Je vous attendais avec impatience. Il y a Sarah qui me dit coucou l'équipe. Il y a Ismaël également qui est là. Vince, tu peux écouter mon message vocal, please. Attends, bah je vais. Tu pourras, s'il te plaît. Dis-moi. Dédicacer oui. Mon frère Kaysar. Il a aujourd'hui 10 ans. C'est-à-dire comment il s'exprime. On vient de le fêter, on va monter, ben on va attendre pour Belle. Vous écoutez, hein, comme d'habitude. Il a voix qui mue. J'étudie et tout. Et c'est juste parce que ce serait sympa, parce que j'ai envie de lui faire une petite surprise et tout. Et juste, ben, il a 10 ans, quoi. C'est Kaysar, il a 10 ans. Sois pas essoufflé, mon pote. Mais avec plaisir, Ismaël. J'espère que le message est bien passé. Big up. Et dans quelques mois, ta voix, elle va passer de ah, salut, ça va. Hello, bonsoir. Belle voix, je trouve. Il y a Leila qui est connectée aussi. Quentin est dans la maison sur énergie. Il y a Jamie aussi. Vince et les auditeurs sont les meilleurs. Vince est dans la maison. Merci pour le message. Il y a Mouns. Il y a Tania qui lui dit salut l'équipe. Il y a Laurent. Il y a Luca qui est dans la maison. Non. Premier message ce soir. Et je vous rappelle pour envoyer vos messages, les amis. Un numéro, un seul. C'est le WhatsApp, le 0492 222 002. Et attention, ce soir, gros programme. Mesdames et messieurs, nous allons parler de l'embrouille entre voisins parce que je me suis embrouillé avec mon voisin. Oh my god! Voilà, oui, on prend des Salut. Éléments de notre life et on se demande si on est les seuls à l'avoir et je suis sûr que non. Ça l'embrouille avec mon voisin. Hein. Lequel? Celui du bas qui vote. Voilà, tu vois, celui qui vote contre moi, si tu vois ce que ah, je veux dire. Celui qui vote. Ouais. Voilà, celui qui vote en blanc, quoi. Voilà. Ouais. Ah non. C'est, plutôt oui. C'est jaune, non? Ouais, comment c'est quoi? C'est jaune, non, ce qui vote. Oui, enfin bref, on s'en fout de ce qu'il vote, mais disons que c'est le gars qui m'aime pas trop. C'est le mec qui m'aime pas trop et qui, pourtant on s'aime bien, on s'aimait bien pendant tout un moment et puis il m'a pris la tête là. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Ce soir, on aura le Kikoula, le nouveau jeu qui débarque ce soir sur Énergie. On appelle un inconnu et il faut tenter de le faire rigoler en moins de 30 secondes. Un petit classique que je faisais il y a pas mal d'années avec Lara. Le bébé, je les connais exactement. Ça va arriver aussi ce soir sur Énergie pour nous écouter énergie.be. N'oubliez pas. Et les embrouilles entre voisins, on en parle. Oui, Lara. Est-ce que éventuellement en fin d'émission, on pourra rejouer au tic-tac-boom? Ah, tu veux refaire un tic-tac-boom? Non, mais j'ai pensé à ce doom-doom, mais toute la night, toute la journée. Ouais, c'est un nouveau jeu aussi qu'on a annoncé hier. Ça va, il n'y a pas de problème, on peut faire ça là. Elle a repensé à sa défaite, du coup elle s'est dit putain, je t'ai gagné. Les amis, on a Clara qui est là. Salut Clara. Clara est dans la maison! En Energy. Ça va Clara, tu vas bien? Ça va et vous? On va bien, tranquille. Ouais, on parle de la petite guéguerre entre voisins là. Et toi, t'as une réaction directe là, ça arrive au standard là. 0800 23456, on a pas mal. Clara, toi, comment ça se passe avec tes voisins? Bien ou pas bien, directement, comme c'est question comme ça. Pas bien quoi. Et ouais. Pas bien. Est-ce que c'est parti en couille avec tes voisins toi aussi, Clara? Franchement, complètement en fait. On en parle avec toi dans quelques instants. Les amis, dites-nous si vous avez déjà eu des guéguerres avec vos voisins. Moi, je vous explique, je rentre en vélo super tard parce que parfois je viens jusqu'à énergie en vélo et puis je rentre à la maison. Moi, ça arrive. Et qui est-ce que je croise Ouais, enfin, mathématiquement 4 fois, mais c'est pas grave, Nigel. Voilà. On rentre pas tous en Uber. Il y a certains qui tiennent sur des vélos quand même. Et donc du coup le tri s'est passé, c'est qu'en arrivant à la maison, qu'est-ce qui se passe? Je croise mon voisin qui se plaint et qui me dit ouais, est-ce que c'est une heure pour rentrer? Je fais quoi? Mais attends, on croit rêver. T'es en train de me demander de me faire une remarque sur l'heure à laquelle je rentre. Mais t'es tu ma femme, à quelle heure tu veux? T'es ma mère, tu sais, je lui posais la question avec beaucoup de sourire et tout. Et après en même temps je voyais qu'il partait vers les caves, tu sais pourquoi? Non. Parce que il me disait en plus ton eau elle me fait chier hein. Et je dis quoi mon eau? Et en fait c'est parce que j'ai la chasse d'eau qui coule et je la ferme d'habitude, et j'ai pas encore changé le truc. Et donc, tu sais, il y a un filet d'eau, non, il y a un filet d'eau ridicule en fait, depuis ma chasse, qui fait un petit bruit, mais léger, il est vraiment naze ce bruit. Mais... il est vraiment con. Sauf que lui, le mec, est le seul gars du bâtiment à l'entendre, et j'ai oublié de fermer ma truc avant de partir, et donc pendant que je le croise en bas, ça le faisait chier que je rentre tard, et en même temps, il voulait fermer mon eau. C'est-à-dire que j'allais rentrer chez moi, j'allais plus avoir d'eau, il allait être dans la cave et fermer l'eau, tu vois. Et moi, tu sais, je reste cool avec lui en disant, bon, allez, voyons, Robert, on va pas s'envoyer, on va pas se faire chier, tranquille, la vie est belle, pas de problème, je vais régler ça demain et tout. Et comme j'étais super gentil, le mec, il commence à monter. Et je reste gentil avec lui. Attention. Je reste respectueux. Parce que Vince, il a de la patience. Mais une fois que ça touche le bouton rouge, là, je peux te dire. Je reste méga patient. Cadeau, et après, il me balance la phrase qu'il fallait pas me balancer. Après, commence à me faire chier, fur, hein. Et alors moi, sur le coup, je reste tranquille. Genre, bon, je le fais chier, pas de problème. Et après, à un moment donné, il me balance la deuxième phrase qu'il fallait pas me balancer. Il monte et il fait, commence à me faire chier, ces étrangers. Non. Ah ouais. Et là, c'était fini. Je vous raconte tout de suite ce que j'ai fait, Là, il a déclaré la guerre. À ce moment-là, il fallait pas. Il a balancé la phrase de trop. Oui, parce que pour les auditeurs qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vince. Mon père est d'origine sénégalaise et ma mère est belge. Je suis né en Belgique, mais je suis métissé. Et oui, il y a parfois encore des racistes. Qu'est-ce que c'est de démodé? Fix some scars we share with white lies. Close my head for you. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. tous les soirs de 21h à... En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Exactement, on est là en direct, les amis, 21h15. J'espère que ça se passe bien, que la soirée se déroule correctement, les amis, que vos examens aussi se passent bien, parce que voilà, peut-être que... Ouais, bah si, c'est là, on est le mardi 11 décembre, à mon avis, toutes les secondaires ont commencé les examens, on est bien d'accord. Hein. Dites-nous d'ailleurs si vous avez des examens ou pas, qu'est-ce que vous avez eu aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez demain. Toi, Nigel, c'est quand tes examens? J'ai déjà les examens de langue, là, et je commence mes examens, enfin... Écrit, les... là, c'est quand? Ouais, là, les écrits, c'est cette semaine, j'en ai un demain. En quoi? En langue. Ah, c'est que toutes les langues, mais ouais. Quand, c'est quand t'as les matières générales? Le 7 janvier. Le 7 janvier, ouais. Pile à la rentrée, c'est le lundi ça ou c'est le mardi? Ouais, c'est le lundi, ouais. Oh purée, d'entrée de jeu comme ça là. Et ouais. Ouais, bah, courage à ceux qui sont à l'université comme supérieur qui ont le blocus et ceux qui sont actuellement en examen là au secondaire. Vince, j'ai fini demain. Ah bon, Anaïs. Anaïs, t'es posé toi. Hein. C'est quelle vie ça? Mais vraiment, mais je te jure. Donc c'est fini le 12, mais les grandes vacances que ça veut dire. Elle a jamais commencé en fait. Non, mais j'ai l'impression. Hein. C'est clair. Peut-être qu'elle remet une feuille blanche en fait. Il y a Hugo qui est connecté aussi ce soir là. Salut Hugo. Nigel Sanchez. Et big up à Soraya qui est connectée aussi là. Merci à toi Soraya pour ton message. Long message de Jonathan que je vais checker dans quelques instants. Bonsoir l'équipe, je suis choqué. L'émission AOD a volé votre concept du WhatsApp. Les messages, ça passe, mais si le patron. Cédric, t'inquiète, on a l'habitude, frangin, c'est la vie, c'est comme ça. Mais on est bien. Et reste chez nous toi aussi, si tu vas faire des bêtises là. Jonathan, il dit quoi là? Ben voilà, pour en revenir au voisin. Ouais. Moi, une fois, j'avais eu un souci avec ma voisine. En fait, elle se plaignait que mes chiens aboyaient trop. Mes chiens? Et comment je veux dire, elle a dû mettre une lettre anonyme dans ma boîte aux lettres, or que c'est la seule qui se plaignait de tout le quartier. Et ben voilà, je t'ai mis la lettre au-dessus en réponse à sa lettre qui disait qu'elle en avait plus qu'à ses chiens, que si ça continuait, elle allait appeler la police et voilà. Mais t'as la lettre, lis au-dessus, tu vas voir, tu vas t'éclater. Ces gens qui font des lettres anonymes, non mais sérieusement, assumez quoi. Ouais, ça fait vraiment. Alors, j'adore ce qu'il a écrit, avis à la merveilleuse anonyme. Quoi, une réponse à votre aimable courrier, je tiens à rectifier les petits, voilà. Je loue et je réside dans la maison, bon voilà, il explique sa position. Et oui, votre anonymat ne vous le permet pas d'aller porter plainte à la police, voilà, un truc dans le genre. Non, mais je ne sais pas très bien, enfin voilà, il remet un peu ses comptes, voilà, les pendules à l'heure, il règle ses comptes un petit peu là. Oui, Vince, voit. Demain, j'ai anglais, Jamison nous moi, dit quoi en là fait, j'ai juste prêté le GSM de mon papy. Et ouais. Non, j'ai pas d'examen, je suis en deuxième et j'ai pas d'examen du tout. Bah, c'est tranquille. Eh ben, vive le rénové. Bah, alors, du coup, on t'a pas demandé si t'en avais pas, on a juste demandé si t'en avais. Mais il a le droit de dire qu'il en a pas. On a eu maths et demain, histoire. Moi, j'ai néerlandais. Putain, Charlie qui a écrit ce message. Fait. Je commence les examens demain avec néerlandais. Bah, c'est bien, il faut bien commencer hein. Quelque part. Oui, ouais, je préfère commencer avec l'examen de français, moi, perso. En hein. Maths. Sérieux? Ah ouais, ouais. Maths. Avec maths comme ça, ouais, c'est supprimé après. Toujours les maths. Juste après un week-end, bien. Spécial dédicace à Arnaud et à Isor de Richard. Moi, j'ai commencé hier. Hey, hey, hey, bienvenue au club. À la base, on est tous étrangers. Omar, ouais, ça c'est vrai, Omar. Steven, qui m'a écrit quoi comme message, là, le temps d'essayer de le retrouver. Oula, attends, parce que j'ai pas compris ton message, là. Oui, ah ouais, merde. 20h56. WhatsApp. Bah, c'est parti en couille à Strasbourg, visiblement il y a eu un truc, mais ça manque d'infos un petit peu là pour l'instant, donc je ne préfère pas en discuter. Geoffrey également qui m'envoie des messages. Vince, moi j'ai examen de français demain, je commence par le meilleur. Et bah voilà, comme quoi il y en a aussi qui ont examen de français. Salut, mon voisin n'arrête pas de foutre de la merde chez nous, qu'est-ce que je peux faire? On a déjà appelé la police, ça ne change absolument rien. Et bah justement on en parle avec Clara. Clara, rebonsoir. Clara, est-ce que ça se passe? Oui, ça va et toi? Clara est dans la maison! Sur Énergie! Clara est dans la maison! Ouais, Clara, tu viens de quelle ville, toi? Liège. Ah bah, pourquoi t'as fait Liège avec un ton tout triste? Parce qu'elle sait que c'est de la merde. Liège, quoi. Bah. La côte, c'est de l'eau! Hey! La côte, c'est de l'eau! Hey! La côte, c'est de l'eau! Génial, Liège! La côte, c'est de l'eau! Avec la plus belle gare de Belgique, je tiens à préciser. Et les meilleures personnes du monde. Voilà, la gare des Guillemins. Et le plus beau stade de foot. Ah non, peut-être pas là. Il y a des courants d'air. Dans ah, voilà le clash. Tu disais quoi, Clara? Parce qu'on n'a pas arrêté de t'interrompre, en fait. Oui, c'est ça. Je ne sais même plus ce que je disais, en fait. Ouais, parce qu'on t'entendait parler à l'arrière, mais ça continue à parler au-dessus de toi. Je suis vraiment désolé. Clara, non, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé avec tes voisins? Alors, j'explique vraiment vite fait. Hein. À l'époque, on avait des chiens, deux Amstaff, et ils avaient eu des chiots, quoi. Et du coup, ça coûtait super cher. Je pense que 2000 francs belges, c'était vraiment beaucoup. 50 euros. Du coup, ouais, mais avant 2000 francs, c'était énorme. Et du coup, un jour, le matin, on s'est réveillé, il n'y avait plus de chiens, donc ni les adultes, ni les chiots. Et on s'est douté que c'était nos voisins d'en bas, c'était des cassos, quoi. Oh. Et du coup, mon père et mon frère, ils les ont séquestrés pendant 24 heures. Quoi? Attends, ton père a fait quoi? Ils ont séquestré les gens pour savoir ils étaient où les chiens. C'est abusé. Ah, donc les chiens avaient disparu, mais en fait, il a séquestré tes voisins parce que tes chiens avaient disparu, c'est ça? Bah ouais. Oui. Et c'est pas rigolo. Mais il y avait 20 000 balles de chiens et on n'est pas sûr que c'est eux. Il faut aller voir la police. Bien sûr que c'était eux. Si, parce qu'en fait, il y avait un genre de garage, donc il n'y avait que nous et les voisins qui avaient accès, et les chiens, ils sont dans le garage, en fait. Donc nous, on habite en haut, eux, ils habitent en bas. Et les chiens, ils étaient dans leur cou. Mais déjà, tu mets pas des chiens dans un garage. Non, mais même si c'est eux, mais non, mais c'est la garage, police qui doit régler ça. On fait pas la loi soi-même, non si. Mais oui, mais la police, ils ne sont pas déplacés pour des chiens, tu te doutes bien. Ils ne sont pas venus. Donc, du coup, on les a gardés 24 heures à la maison jusqu'à ce qu'ils avouent. J'en peux plus, c'est vraiment ça, en fait. Non, mais en fait, c'est vraiment ça qui s'est passé. Ton papa, il a fait le parrain de la mafia. Mais il est grave. On est napolitain et turc, c'est pour ça. Ah, bah tiens, le mix qui explose. Ça mitraille direct. Et du coup, en fait, c'était vraiment eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le mâle dans la Meuse. Quoi? Et donc, c'est vivant dans la Meuse. What the fuck? Mais attends, mais tes voisins aussi, c'est quoi ça? On a bien fait de les séquestrer. C'est Clétus dans les Simpsons. Non, j'ai l'impression que c'est une double fight dans tous les sens. Alors non, vous n'avez pas bien fait les séquestrer. J'adore parce qu'elle rigole, elle est machiavélique. Les voisins du bas, c'est des cassos. Alors attends, il y a un truc quand même chelou dans cette histoire, c'est que ton papa a séquestré les voisins, tandis que tes voisins, eux, ont jeté un de tes chiens dans la Meuse. Normalement, c'est l'autre, ils l'ont drogué et du coup, elle est morte d'overdose, quoi, en gros. Ça, c'est le truc qui se passe dans la famille de Thibaut depuis des lustres. Est-ce que la famille s'appelait pas Sale par hasard, Clara? Non, on n'a jamais touché au chien. Fallait les voir pour comprendre. C'est vraiment des cassos. Oui, non, mais je peux comprendre. C'est vrai que parfois, t'en as comme ça, des gens un petit peu chelous et tout. Mais attends, c'est qu'est-ce que finalement, ils ont avoué ce qu'ils ont fait. On les a pas battus, quoi. On les a juste mis. Oh, les habits sont tu peux pas priver quelqu'un de liberté, hein. C'est interdit. Ils ont privé mes chiens de vie, quoi. Oui, d'accord, mais c'est à la loi d'en décider. C'est un juge, je sais pas. Mais non, c'est pas. Est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils avaient. Est-ce que ton père a eu ce qu'il attendait en les séquestrant? On a récupéré tous les petits chiots, mais les adultes, ils étaient morts. Sauf celui qui était dans la Meuse. Mais c'est horrible, parce que là, excuse-moi, mais il y a quand même tentative de mort. Enfin, pas tentative, il y a un meurtre sur animal. C'est super grave. Ouais, mais est-ce que... La police réagit directement dans ce genre de cas, Clara. Clara. Mais tu sais pourquoi... Ils ont rien eu, parce que le père de famille, il était un peu handicapé, la mère, c'est une droguée, enfin, des cas. Justement, c'est horrible, ça ne se fait pas. Ça s'est passé quand, ça, Clara? En fait, c'était des drogués, ils achetaient leur cam sûrement, donc ils voulaient vendre des chiens. Ça s'est passé quand? Franchement, j'ai 26 ans, j'en avais 12 à l'époque. Ok, d'accord. J'avais 14 ans, quoi. Ok, parce que si c'était récent, on aurait pu mettre un petit poste, je te jure, la police serait intervenue tout de suite, parce que maltraitance des animaux. Mais est-ce que le commerce des animaux que vous faisiez, c'était un truc légal ou pas? Mais c'est pas un commerce, nous on avait juste deux chiens et c'est un mâle et une femelle, ils ont eu des... Ah d'accord, comme ça, ok. Des bébés, de base, c'était bon, pas ne faites plus ça, hein. C'est pas très bien quand même. Je sais bien. rigole maintenant, 14 ans après, mais voilà. C'est horrible, c'est un peu horrible quand même. Hein. En tout cas, voilà, l'histoire de voisins, mais c'est beaucoup à cause des animaux, de ces chiens qui aboient et tout. Ça, il y a des gens qui trouvent ça méga relou. On se fait un bisou, Clara. Bisou. Évitez de séquestrer des gens de préférence. Hein. Ça peut être le facteur qui va juste déposer une lettre. Non, ça arrive plus, t'inquiète, on l'a plus fait. Ça va, tant mieux, j'espère bien. Pas de Ah, j'ai appelé notre chien, en fait. D'accord. Ouais, sinon, tu nous rappelles. Okay. Hein. Allez, voilà. Bisous, Clara. À bientôt. Bibi dans la maison sur Énergie. Merci, Tib, là, pour le message, là. Moi, si on blesse mon chien, je blesse la personne pareil. Ce qu'on m'a envoyé, là. Vince, je suis fan d'Ed Sheeran. Est-ce que tu sais s'il viendra un jour à Énergie Belgique? C'est important. Merci. J'ai pas examen à Noël cette année. Là, pour l'instant, j'ai pas d'infos sur Ed Sheeran, mais je tiens au courant. Truc de ouf, son histoire à la meuf. Salut, Vince. Je vous écoute tous les soirs. Vous êtes super. Continuez comme ça. Merci. Si vous n'avez jamais envoyé de message à la radio, les amis, on parle des voisins. 0492 222 002. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit: Vince, j'ai entretenu une relation avec ma voisine pendant 3 ans. Ah. Bah pourquoi pas, tu sais, t'as pas beaucoup à te déplacer du coup, hein. 3 ans. Ouais, bah, quand tu l'as de la raccompagner chez elle, bah tranquille, tu montes les escaliers, tu montes l'ascenseur, voilà, allez, bisous, bonne soirée, à bientôt. Ça évite de se taper la route, c'est pratique. Ouais, allez, on arrive tout de suite après Dean Lewis. Et puis all right. C'est pas con ça. The cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away, let her go. It'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away, let her go. It'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine, let her go. Tu vas faire quoi ce soir? On va tout casser! On va tout casser! Bon. Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Bienvenue à vous sur Énergie, là. On va appeler Dominique Godembois. Le retour, ça fait genre plein des temps qu'on l'a plus eu, je crois. 3 semaines, là. 2-3 semaines. Sérieux? La dernière fois, c'était Lara. C'était, ouais, il y a un peu plus de 2 semaines, il me semble. C'était pas Lara, c'était Carmelita. Alors attention, quand je dis on va la voir. Les choses peuvent toujours basculer parce que des fois on essaye un peu avant. Dès qu'on entend qu'il décroche souvent et tout, bah hop, on appelle à l'antenne. Mais ouais, c'est ça, il ouais. se peut qu'on appelle à l'antenne et qu'il ne décroche plus. Donc ça, c'est un peu le hasard des trucs, hein. Le Kikoulol, on appelle un inconnu. Il faut tenter de le faire rigoler en moins de 30 secondes. Nouveau jeu là qui débarque ce soir sur Énergie. En tout cas dans cette émission-ci là. Vince, moi mes parents étaient jusque au tribunal à cause de leur voisin, mais j'étais pas encore né. Message qui a été envoyé. Donc Vince, qu'est-ce qui s'est passé avec ton voisin par la suite? Ouais, donc voilà, mon voisin, ah ouais. Bah, il était vénère. Je rentre pas vraiment tard, mais si, je rentre quand même. Ouais, si, voilà, bon, il était tard, mais c'est pas pour ça. Bah, tu rentres alors que c'est tu parce qu'il se plaignait de l'eau qui coulait de ma chasse, etc. J'avais oublié de fermer ma chasse parce que j'avais un petit souci. Et donc, il s'est permis, le gars, tranquillement, d'aller vers ma cave pour fermer mon eau, ce que t'as pas le droit de faire. Tout le monde a accès à ton eau? Mais tout le monde a accès, c'est les caves de tout le monde, tu vois. Donc, tout le monde a accès à mon eau, à mon électricité. Moi, je peux couper très bien le courant des eaux, tu vois. Bon, après, tu descends et tu rallumes. Donc, c'est tout. Donc, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige pour aller éteindre mon eau. Je fais, tu vas où, là, à cette heure-ci? Déjà que tu te plains que je rentre tard avec mon vélo. Ouais, j'ai coupé ton eau parce que tu me fais chier avec la chasse, ta chasse, elle fait du bruit, elle fouille, blablabla. Je fais, c'est bon, écoute, j'ai oublié, je suis resté poli. Jusqu'à ce qu'il me balance, tu commences à me faire chier, hein. Je reste encore super calme jusqu'à la dernière phrase qu'il ne fallait pas me balancer. C'est genre, entre ses dents, il a dit, oh, c'est étranger. Alors je me dis, mais le mec, il est con, il sait très bien. Il sait déjà, c'est super con de dire ça parce que, voilà, c'est démodé, c'est vive le Moyen-Âge, quoi, de genre de réflexion et tout ça. Alors là, du coup, je monte les escaliers, je l'empêche de rentrer chez lui. Je fais, maintenant, tu me le redis en face. Sérieux? Là, je suis en face de toi. Arrête! Ah non, non, mais moi j'adore essayer de. T'as fait le Chuck Norris. Non, mais pas du tout, parce que sinon je l'aurais pété un bras ou un tibia, tu vois, si j'avais fait mon Chuck Norris. Non, pas du tout, il n'y a pas eu de violence ni rien. Je l'ai empêché de rentrer chez lui, je me suis mis devant lui, je lui ai dit écoute, maintenant je te propose, ce que tu viens de murmurer entre tes dents pendant que tu montais les escaliers, je te propose de me dire là maintenant en face de moi. Oh, on va voir si tu oseras le faire. Il n'a pas osé le faire, bien entendu. Et s'il avait osé, t'aurais fait quoi? Bah là, j'aurais dit bravo, respect, t'as eu les couilles de le faire. Non, mais il a eu les couilles de faire, mais je savais qu'il n'allait pas le faire. Je le connais. Mais non, je crois pas les gens, moi. C'est lui qui a un problème, je frappe les gens quand je vais faire un sparring à la boxe, et que c'est le principe de faire un sparring de boxe. Mais, mais sinon, je frappe pas les gens pour ce genre de truc, ça sert à rien. Et alors, du coup, je discute avec lui et je redescends un petit peu. Et je lui dis écoute, c'est bizarre, toi et moi, on a toujours une très belle amitié, on s'est entraidés, pourquoi ça? Ouais, mais ta chasse, ça me fait chier, le cool, etc. Et là, je le calme et je lui dis tu sais quoi, jamais je me suis plaint de l'odeur de cigarette qui montait jusque dans mon appartement. Ah, elle est partie la liste. Jamais je me suis plaint de toutes les fois où tu tousses la nuit et que je rentre tard et que ça m'empêche de dormir. Jamais est-ce que je me suis plaint de ton chien qui aboie constamment pendant des heures un cri aigu. Est-ce qu'un jour je me suis plaint de tes poubelles que tu te rends même pas compte, que tu en oublies une dans le hall d'entrée, etc. Est-ce qu'un jour je me suis plaint de toi? Et là, le mec, il savait pas très bien quoi dire. Il est rentré chez lui et je crois qu'il a dû rêver, parce qu'on s'est revu le lendemain et ça allait beaucoup mieux. Et il a dû se dire putain, c'est vrai, j'ai fait le vieux con avec lui et lui jamais il s'est plaint de moi. Du coup après toi, t'as ouvert ton robinet de toilette encore plus. T'sais. Ouais, mais vraiment j'ai tiré la chasse trois fois. Vive les dépenses d'eau. Non mais voilà, Vince fallait le séquestrer. Non mais non, fallait jeter son voisin, son chien dans la Meuse. non, je déconne, on va pas aller jusque là. Toujours viser les couilles au bûcher là, quand même pas déconner là. Chloé qui me dit Vince, je vais dire un truc qui a rien à voir, mais moi, comme origine, j'ai belge, française, anglaise, espagnole, ivoirienne et indonésienne. Waouh! Et ben Chloé là, ça c'est du remix. Hein. Un gangbang. Je pense que le truc qui n'a rien à voir. Je pense que c'est le truc qui n'a rien à voir. Bisous à toute l'équipe, Chloé. Quand est-ce que je pourrai avoir ma photo, Chloé? J'oublie toujours que tu veux une photo là. Je vais essayer d'y penser après l'émission. C'est quoi ton numéro? C'est 5, Chloé. Tu peux le noter quelque part. On attend les Samy. God en bois. Ah bah attends, tu vas patienter alors. Un message de Carlo là, au standard là, enfin sur le WhatsApp. Carlo. Félicitations poteau, content pour toi, Vince dans la maison. C'est encore des bons moments comme ça. J'adore. Et merci mon pote, c'est gentil là. On a Laurent qui est là. Salut Laurent. Yo. Yo Laurent dans la maison. Oh my god, Laurent, alors toi, magistral, puisque t'as eu une histoire avec ta voisine, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Tu nous dis tout dans les détails dans quelques instants parce que on est super curieux. On parle de nos petites guéguerres avec les voisins, moi aussi nos petits moments d'amour. Ça sent le love, hein. Ouais, et puis on a Raph aussi qui est là. Salut Raph. Allô. Yo, Raph est dans la maison. Sur Énergie. Alors Raph, toi, un voisin de quel genre, toi? Un peu fou ou normal? Non, j'ai eu des voisins complètement parano. En fait, on a construit une maison sur un terrain. Et puis, il y a des voisins un peu vieux américains qui ont emménagé à côté de chez nous. Ah, en plus, ils viennent du Texas, c'est pire. Ouais. C'est rien. En fait, c'est des maisons qui sont louées pour les gens qui travaillent à l'OTAN. Ah oui. Mais okay. En fait, les voisins, ils étaient complètement parano. On a eu des invités un soir qui sont venus manger à la maison. Et tu sais quoi? Tu nous racontes la suite juste après, parce qu'en parlant d'américains parano, ça me fait penser un jour. Et d'ailleurs, Boris Becker a eu le même truc. C'est un mec qui fait des vidéos sur Internet, là. Un jour, je suis au States, c'est un mec qui me demande mes papiers comme ça, tickets de métro et tout. Je sais plus, c'est pas le métro, c'était, je devais prendre une ligne de l'aéroport et donc c'était un ticket spécial qu'il fallait pour ce trajet là. Et le mec, il me pose la question, je comprends pas. Et à un moment donné, il me dit, Are you Muslim? Je fais quoi? Mais qu'est-ce que ça a à voir? Vince, 21h minuit sur Énergie. Téléchargez maintenant l'appli qui vous propose de la musique gratuite, sans abonnement, en illimité. C'est l'appli Énergie Belgique. Tous les hits, tous les styles, tout le temps. Avec plus de 15 radios de hits thématiques et des lives exclusifs de vos stars musicales préférées, enregistrés dans le studio d'Énergie. L'appli Énergie Belgique est disponible gratuitement sur tous les stores. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Patience and one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved and I've lost. Interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. On marre dans la maison. Et comme elle dit Lara, sur Énergie. Leslie est dans la maison. Johan est dans la maison. 0492 222 002. 0492 222 002. Et c'est parti pour le son de Marshmello tout de suite sur Énergie. Ça s'appelle Happier. Et un message qui est arrivé: Vin, j'ai retrouvé le chat de mon voisin mort et je l'ai entouré dans mon jardin. Ah bon, monsieur? Oh, c'est gentil. Bah écoute, c'est sympa de prêter ton jardin pour ça là. Vince, je commence l'examen demain par EDM et religion. Vince, j'ai un voisin, lui, il séquestrait des gens chez lui. C'était trop bizarre. Un jour, la police a débarqué et tout. Le mec était fou. Ah ouais, ok. Il s'est même arrivé dans les journaux. Bah, je découvre des choses dans cette émission. C'est incroyable. On arrive tout de suite, Marshmello, Happier. Bougez pas, puisqu'on va téléphoner à Dominique Godon Bois juste après aussi. I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. So dès 21h. She said, do you love me? I tell her only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Vince dans la maison! 21h39, nous sommes le mardi 11 décembre, c'est bientôt Noël, c'est pas magnifique. Ouais, et préparez-vous parce que le tsunami arrive, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Comment ça? Il y a quelque chose qui est en train d'arriver vers nous, mais à pleine vitesse. Ça va faire mal à tout le monde. Quoi? Vous n'êtes pas au courant de ce qui va arriver sur notre gueule? Non. On est le 11 décembre. Ça va commencer, ça commence l'hiver. Déjà. Ah, le froid! Non, pire que ça. Emmanuel Macron. Non, pire que ça. Au fur et à mesure que les jours vont avancer, au pire, il y aura le raz-de-marée. À un moment donné, on va tous être emportés, mesdames et messieurs. Je sais pas, mais faire du shopping. Vous ne savez pas par quoi? Les films de Noël? Non. Ah ouais. Maria Carré. Vous n'allez pas y échapper cette année non plus. Le titre qui devient toujours numéro 1 Spotify, numéro 1 iTunes, numéro 1 de n'importe quel ultra top. Chaque année, à la même période, Mariah Carey avec... Allez, c'est parti, c'est bon dans vos têtes. Mindfuck en direct sur Énergie. Bienvenue dans Noël. Vous n'y échapperez pas. va rentrer dans vos têtes. Et je suis persuadé d'une chose. Vous l'écoutez là maintenant en direct sur Énergie dans cette émission. Au moment où il y aura une pub, au moment où vous serez plus en train d'écouter l'émission de radio, vous irez sur YouTube et vous irez l'écouter. Et si ce n'est pas vous qui le faites, ce sera quelqu'un de votre famille. Et si c'est pas quelqu'un de votre famille, ce sera votre téléphone qui vous mettra des pubs automatiquement. Vous n'y échapperez pas. À l'onde de choc, Maria Carré de All I Want For Christmas Is You. 476 millions de vues, bien entendu. C'est vrai qu'avec cette chanson, elle est sur 10 descendances. C'est bon, bien sûr. elle est clairement tranquille. Hein. Non, Vince, mon Dieu, je brûle, arrête avec cette musique. Suis-je la seule à m'ambiancer seule? Non, mais ça nous ambiance de ouf, cette chanson. On est en train de danser. À mort. Bon, Laurent, il va nous raconter qu'est-ce qui s'est passé avec sa voisine. On parle des voisins, la petite guerre entre voisins, et puis parfois les petits bons moments aussi. La petite bon moment sympa. Laurent, raconte-nous avec ta voisine, comment ça a commencé cette histoire? Ça a commencé, j'avais 16 ans, quelque chose comme ça. Je venais d'emménager dans un quartier, ouais, près d'une école où ma cousine était en fait. Et dans sa classe, il y avait une de mes voisines. Ok. Elle m'a présenté. Et on a fini par sortir ensemble après peu de temps. Ok, directement, okay. Voilà, ouais. Excellent. Et ça a duré 3 ans. Bah, c'était cool parce que bon, comme c'est ma voisine, t'es tous les jours avec, quoi. Ah bah, ouais. C'est quoi, c'est ouf parce que tu me rappelles une histoire. Une ex-copine, j'avais 16 ans. C'était ma voisine d'en face, j'avais qu'à traverser la rue. J'habitais dans un bâtiment et tout. Et en fait, j'étais avec elle en primaire. On s'est plus croisés depuis super longtemps. Puis on s'est revus. Hop. On s'est kiffé. Et en fait, j'avais complètement zappé qu'elle habitait en face. J'avais juste à traverser la rue. C'était tellement kiffant. Et après, toutes mes meufs ont habité à 45 km. Ah, voilà, oui. C'était relou. Mais je voulais savoir, c'est chouette quand ça se passe bien. Ouais. Une fois que c'est fini. Ah non, tu la croises trop. Et que t'habites dans le même truc. Ça craint là, ouais. Ça se remerde, hein. Ouais, c'est pas parti en sucette après, Laurent. Ah si, ouais, clairement. Ah bah voilà. Ouais, sans blague. Après, attention. Pour rentrer chez toi, tu vas éviter, tu vas esquiver, tu vas te cacher dans un coin, dans un buisson et tout. Ah non, mais pire, puisque comme elle était devenue très copine avec ma mère, elle continue à venir chez moi. Oh non. Non, mais alors il faut dire à la mère, il faut dire maman, écoute, t'abuse pas, mais là c'est, il faut arrêter la relation amicale. Là. Non, mais les mères parfois elles aiment bien abuser. Hein. Ouais. Genre tu fais ça, après elles ramènent de plus en plus de gens. Tu sais, t'as des mères, parfois elles mettent les pieds dans le plat même. Ouais. Elles sont avec ta nouvelle copine et après elles sont au téléphone avec ton ex. Genre comment tu vas? Oh, il est là avec sa nouvelle copine. Oh, franchement, elle te vaut pas. Hein. Alors là, loin de là, non mais c'est catastrophique. Il y a vraiment des mères comme ça en plus. Je te jure, non mais c'est abusé. Et tu sais, parfois elles se rendent pas compte, tu vois, elles sont là. Non mais moi j'aime bien ton ex, elle fait partie de la famille. Hein. Voilà, il y a un lien comme ça, ça a duré 10 ans, donc c'est pas négligeable. Hein. Ouais, tu parles. Mais en parlant de ça, moi j'ai un pote qui a eu pire parce que son ex, elle avait la clé de la maison. Et donc parfois il rentrait chez lui et elle était déjà à la maison, j'étais mort. C'est horrible. Donc il la revoyait tout le temps, donc il faisait des cafés, etc. Il voyait tous les amis de sa mère et son ex. Il était à la maison avant lui. Mais pourquoi elle était encore là? Je sais pas. Mais c'est lui aussi. Et elle a encore la clé de la maison parfois maintenant, et donc parfois elle y retourne. Mais pourquoi il la récupère pas? À un moment donné, je change ta serrure. Ils sont vraiment en dispute de ouf, donc ils parlent plus du tout. Ok, ouais. Ah ouais, il arrive mais pas elle a encore la clé de la maison, donc parfois il rentre de l'école, il rentrait des cours et il voyait son ex sur le canapé, quoi. Mais moi, t'es en dispute avec moi, tu rentres plus chez moi. Quelle force de caractère, hein. Complètement. Écoute, garde la clé, on sait jamais, j'ai envie de toi. Petit délire. Vince, les parents de mon ex m'ont offert un voyage pour aller avec eux à Bali. Oh putain, bah dis donc. Ah ouais, merci. Génial. Ah bah dis donc, putain, moi c'est ouf. Moi, ce que je me ramassais, c'est la pantonnée, moi, avec les parents de mes ex. Sérieux? Ah ouais, non, j'ai eu des parents, des beaux parents, ils étaient pas cool. Beaucoup super cool. Vraiment, les longues relations, c'était cool. C'est normal, tu fais pas une longue relation quand ça se passe pas bien avec les parents. Mais ouais, mais des histoires qui ont duré 2-3 mois, Ouais, ça dépend comment tu quittes la meuf aussi, si fait bâtard. J'ai toujours passé avec beaucoup de respect. J'ai jamais fait le bâtard. Un coup de bifle et c'est parti. En tout cas, Laurent, merci pour ta réaction en live, mon pote. Et quand tu veux, tu reviens chez nous, ça va? Avec plaisir. C'est ta maison. Bisous à toi, bye bye. Merci la famille, bye bye. Au revoir. Alors, Raph, qu'on récupère, Raph, qui a eu affaire à un Américain, un voisin. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce mec qui était visiblement parano? Il t'a accusé de quoi, le mec? Bah, en fait, nous, on a passé une soirée entre potes dans le jardin avec des connaissances. Ils avaient des enfants et avec une fille qui avait, elle était jeune, elle avait 8 piges. Et en fait, elle a fait un peu de bruit. Il était genre 7-8 heures du soir. Et le mec, il a gueulé à la fenêtre en disant que la fête était finie. Il nous a fait des gros fucks alors qu'on lui avait jamais parlé du tout. Fuck you! Donc voilà. Un taré. Ou alors vous êtes peut-être bruyant et là c'était le bruit de trop, quoi. Ouais, c'est ça. Des fois, les gens se rendent pas compte qu'ils sont bruyants. Surtout qu'on était du style à pas faire de bruit. Ah. Et en fait, le mec, par la suite, allez, ils sont restés encore 3-4 mois à habiter là. Et pendant les 3-4 mois, le mec, il passait ses soirées à la fenêtre, à nous regarder. Ah oui, ok, bravo. Ah, okay, il était avec des jumelles. Psychopathe. Il est content. Après, le plus drôle dans l'histoire, c'est que lui, il se mettait dans sa salle de bain. Il avait un genre de rideau, tu vois, le petit rideau blanc, là, où tu vois pas derrière. Ouais. Mm-hmm. Et lui, il se mettait derrière son rideau et alors il regardait vers chez nous, mais il mettait la lumière de sa salle de bain derrière lui, donc on voyait sa silhouette. Oh my god, mais ça fout les boules. Sérieux ? C'est quoi ce voisin ? C'était un mec parano, mais ils sont pas restés longtemps, ils sont partis heureusement. Ouais, parce que c'est le genre de truc un peu relou, quoi. Moi, j'avais un voisin qui nettoyait ses vitres à poil. Je te jure. C'était pas moi. Mais c'était un vieux monsieur. Ah ouais, non, c'était pas moi alors. Il se baladait tout le temps à poil. Il n'avait aucun problème, quoi. Écoutez, les vêtements, c'est l'état, c'est la pression de l'état, c'est la pression des mœurs. C'est peut-être un hippie. Les vêtements, c'est qu'il est resté perché. C'est immoral, c'est pas naturel, c'est les vêtements. C'est dégueulasse, quand même. Oui, je peux comprendre. Et il peignait ses vitres et tout, il faisait du bricolage. Mais il peignait ses vitres. Je me balade à poil, là, je suis chez moi. T'as le droit de faire chez toi, mais il paraît que. Voilà, c'est ça, la fenêtre, il y a. Attends, la pudeur, monsieur. T'as pas le droit. Et même dans ton jardin, t'as pas le droit de le faire à partir du moment où les gens peuvent te voir, même si c'est chez toi. Si quelqu'un peut te voir facilement où tu es, tu n'as pas le droit de te mettre à poil. Mais cache tes yeux. Alors c'est ça. Dès que t'es bonne ou dès que t'es beau mec, c'est bon, dis pas. Les mecs disent ça, mais parfois, des meufs, elles sont pas d'accord. C'est-à-dire. Arrête de regarder la voisine. Mais qui ta meuf à toi? Bah ouais. C'est souvent les meufs qui se plaignent des autres meufs. Hein. Ouais, encore faut-il avoir la preuve qu'on a regardé la voisine. Hein. De jour, on a des caméras maintenant. Hein. De jour, on upload des vidéos. Je suis sûr, en plus, il y a des mecs qui sont tellement ouf. Ils filment des trucs comme ça, ils uploadent sur des sites. Bah, certainement. Raph, merci à toi, mon pote. Quand tu veux, à bientôt. Avec plaisir, à la prochaine. Hein. Au revoir. Au revoir. Tiens, que se passe-t-il? Non, pas goal pour la Belgique. Club de Bruges contre l'Atlético Madrid 0-0. Ouais, 0-0, ouais. C'est bien, franchement, Club de Bruges, là, ça joue bien. Mieux qu'Anderlecht, en tout cas. Hein. Monaco 0-1 contre Dortmund. Bon, en même temps, c'est pas étonnant. Monaco, ils arrêtent pas de perdre ces temps-ci. Ouais, c'est ça. Barcelone 1-0 contre Tottenham. Le PSV est en train de battre l'Inter à l'extérieur, donc à l'Inter. 1-0, enfin 0-1. Le Paris Saint-Germain est en train de gagner 0-2 contre le Crvena Zvezda. Ouais, c'est l'étoile rouge de Belgrade. Exactement. Liverpool 1-0 contre Napoli. Galatasaray a perdu son match contre Porto. Et Schalke a battu Lokomotiv Moscou 1-0. Vous tiens informé. Peut-être que, imagine Bruges bat l'Atlético Madrid, ce serait trop fou. Ouais, ça m'étonnerait, mais c'est possible. Bah, il y a un carton jaune, en tout cas, de l'autre côté, là, pour l'instant. Donc, voilà, vous tiens informé. On soutient, bien sûr, les équipes belges quand elles jouent toutes en Europa League ou en Champions League. En attendant. Alors, on appelle Dominique tout de suite ou pas là? Ouais, vas-y. Hein. Oh purée, je crains le pire. Je suis sûr qu'il va pas décrocher. Je sais pas, je le sens bizarrement. Ça fait longtemps, tiens. Je sais qu'il va s'y coller ce soir. Peut-être Charisma. Oh. Bienvenue sur l'énergie Nice Carrezo, let's go. J'ai vu, c'est Lolo. Ah, ma mère. Elle m'a pas follow. Ah, je l'ai follow. Elle fait la go. Qui connaît pas sa ro. Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré. Elle fait la go. J'ai sorti ma marque, sorti ma trappe, les rappeurs m'ont pris pour leur modèle. Devant la maille, devant les femmes, trop de principes pour être modeste. Les types ont cramé nos jeans, les bitches ont capté nos vies. Je fais des avances à sa maîtresse, mon fils joue à la play dans la pluie d'aide. Fais bien les choses, la vie c'est traite. Le fils du voisin joue à la dinette. J'ai pas l'argent par la fenêtre, tu finiras le nez dans la cuvette. Pendant la crise, j'ai volé sans voyager. Donne-moi la caisse, gros j'ai dit bah moi l'argent. Bye, bye, bye, bye. Allez, Corée. Allez, danse ma Corée. Le soir. Du lundi au vendredi. Dès 21h. Et sur Énergie. Mais bien sûr, je suis sur Énergie, nulle part ailleurs. Il est 21h50. J'espère que ça se passe bien dans la maison. Bonsoir à Najat qui nous dit bonsoir la Mif. Perso, mes voisins sont pas respectueux du tout. Ça crie du matin au soir. Ils sont 8 à la maison. Je te dis pas. C'est vraiment des groseilles de Liège. Okay. Ah, des groseilles. Ok, des groseilles, ouais. Ah, c'est peut-être par rapport à la vie d'un chef tranquille. Dominique, on voit le dieu du God comme on voyait là. Ce soir, dans le cul de Dominique, le voisin de Vince. Il y a Logan qui m'envoie aussi un petit message là, un message vocal. Vince, comment vas-tu? Ben, ça va très bien, et toi, Logan? Raconte-moi, quoi de neuf dans ta famille? Quoi de neuf dans la vie? On salue tout Liège qui nous écoute, notamment David le boulanger Liège. Hein, c'est pas faux non plus, mais bon, voilà. De quoi c'est pas faux non plus? Voilà, je prends ça hors contexte. Vince, moi, je tourne toujours sur des racistes. À chaque fois, c'est ouais, c'est un étranger. Et oh. Il va pas se marier avec toi, il va prendre une voilée. D'accord, hein ouais. Ah oui, ah, c'est, ok. Les parents, les belles-mères, etc. C'est ça, d'accord. Bon, ouais, c'est un autre sujet, tu sais, je pense que c'est pas. Tu dis tout le temps. Pas encore tombé sur la bonne. Voilà, groseille, ça veut dire baraki. Sérieux? Eh, je savais pas des groseilles. Je crois que ça vient de La vie est un long fleuve tranquille. Eh, franchement, merci pour l'info. Ah bon, t'es sûr? La vie est un long fleuve tranquille. Mais oui, il y avait la famille Groseille. Mais tu es sûr que ça vient de là? Ben, je pense, oui. Ok, peut-être, d'accord. Moi, je pensais quand tu t'es groseille. Merci Anaïs de Visée qui m'a confirmé le truc. Tu croyais que c'était quoi? Je pensais que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Mais oh, osez, groseille. Tous les jours, je me fais engueuler de votre faute. Je vous écoute dans la douche, mais mes parents, ils kiffent moins quand ils voient la facture d'eau. Mais ça en vaut le coup. Mais grave, Tib, continue à nous écouter, mon pote. Hein. Dédicace pour voir si tu lis en direct. Bah, si, bien sûr, je lis en direct. Hein. Dans la maison. Sur Énergie. T'as vu, j'ai même passé ta note vocale en plus, hein, pour te dire. Toi, Black Ops 4, la nouvelle mage, opération zéro, en écoutant qui? En écoutant Vince, ma gueule. Eh ben merci Brian, c'est gentil Brian, ça fait plaisir. Bon, Vince, oui c'est ça, ça n'a rien à voir, Groseille. Groseille, c'est des barraquines, tout le monde m'envoie ça. Oui, Groseille vient de ce film, Bienvenue, merci. Fille, qui a été envoyé. La vie est un long fleuve tranquille. Et j'ai pas encore vu ce film en plus. Ah, tu dois le voir, c'est chouette, c'est culte. Ouais, de ouf, j'en ai beaucoup entendu parler, mais jamais fait le truc. La famille Groseille, c'est des barraquines dans un film. Oui. Souvent dit par des baraquis. Ah, ah, ah, ok, ah bah parfait. Tu vois, je dis pas des conneries. Donc en fait, c'est parce que les baraquis disent groseille. Ah, groseille. Que du coup, on appelle les baraquis les groseilles. Parce que les baraquis disent groseille. Ah, question intéressante et interpellante. On me demande, Vin, c'est quoi un baraquis? Eh ben, je vais demander à une personne qui peut nous aiguiller. C'est Thibaut. Thibaut, qu'est-ce qu'un baraquis, s'il te plaît? Ah ouais. Description un petit peu de toi et. Pardon, vas-y. De moi? Non, de baraquis, pardon. Ah non, mais déjà, comment tu peux te décrire un baraquis? Enfin, moi, je présente. Ouais, c'est un peu dur. T'as un peu sous, t'arrives devant un bar, tu fais baisser le baraquis ici. Ah, c'est un peu un cassos, quoi. Entre guillemets. C'est quoi un cassos? C'est un baraquis. C'est quoi un baraquis? C'est le baraquis. Un cassos, c'est quoi? C'est un cas social, c'est là ouais, que ça vient. Ouais, c'est ça, on va dire ça. C'est ouais. Une personne en marge qui vit en marge de la société. Ouais, c'est un type un peu. Qui n'a peut-être pas les mêmes valeurs, les mêmes principes, qui ne fonctionne pas comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Alors, on est tous des cassos dans cette émission, alors. Bah oui, tout à fait. Bon, c'est dit. Voilà. Voilà. Appelez-nous Vince Baraki, 21h sur Énergie. Vince Baraki dans la maison. Excellent. Donc, voilà, Baraki. Super. Et toi, si tu devais le définir, tu dirais quoi? Quelle bonne question, tu un, un forain, un boyard. Bah non, les forains sont pas. Non, pas tous. C'est genre. Un baraki pour moi, c'est une personne qui manque d'éducation. Mais c'est une discrimination, on est d'accord. C'est une manière de cataloguer quelqu'un qui peut-être n'a pas la même éducation que toi. Ça peut être quelqu'un qui a un grand cœur. Oui, tout à fait. C'est un jugement. C'est ça, ça peut être considéré comme ça. Mais moi, généralement, on dit un baraki d'une personne qui se comporte mal, quoi. Voilà. Ouais. Genre une carapule à 10h du matin dans la main. Tu peux boire une carapule. C'est un alcoolique. Non, c'est ça. Tu peux boire une carapule à 1h du matin, 10h du matin, il n'y a pas de problème. Tout dépend de ton comportement. Si t'as ta carapule sans main et que tu fais fils de pute, je vais t'attraper, je vais te péter les couilles, c'est un connard, là, il y a un problème. Mais tu peux très bien réagir de la même manière et ne rien avoir en main, bien entendu. Il faut le préciser aussi. Ouais, tout à fait. C'est très complexe. Est-ce que le baraki sait qu'il est baraki ou pas? Ah, ça c'est une vraie question. Ça c'est la grosse question. Ça c'est la question, ouais. Est-ce qu'un baraki sait qu'il est baraki ou pas? Moi je sais pas si. Est-ce qu'il y a des gens qui, oui, ou l'inverse, des gens qui se considèrent pas du tout comme des barakis? Est-ce que tu considères comme baraki, Thibaut? Non, je pense pas. Tu ne penses pas. Mais déjà, il y a personne. Est-ce que vous considérez comme un baraki? Oui. Ah ouais? Oui. Ouais. Non, c'est une blague. C'est une blague, mais non. Non, mais les carapules à 1h du matin, je suis d'accord, etc. Tu l'as déjà fait? Bah oui, il le fait encore. 1h du matin, c'est la suite. Non, mais le pire, c'est que quelle que soit l'heure, tu bois de la Carabils. Non, non. Entre 8 et 9 heures, non. Carabils, pour ceux qui ne savent pas, c'est la bière la moins chère du royaume. Ah, je crois que c'était la Gordon. Non, non, c'est la Carabils la moins chère des moins chères des moins chères. Et... Hey. Bah, elle est pas mauvaise. C'est la fonte. Ah, c'est... regardez ah, il paraît que c'est le fond de cuve des grosses brasseries. Moi, j'appellerais ça de la Carabils. Voilà. Ouais, ouais, si tu peux appeler ça comme ça. Dans un sens, Romain, il nous dit quoi, Romain ? On est bas, on est rats, on est qui ? Les baraquis. Une équipe de pom-pom girls. Mix baraquis dans la maison. Mix baraquis dans la maison. Laurent, il nous dit quoi, Laurent ? Vince à Baraki, c'est un supporter du Standard. Bisous à mes amis rouges. Ah non, non, allez, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Hein. Ce que vous dites. Adrien, il nous dit quoi là ? Les Baraki ont généralement des noms américanisés du genre Kevin, Lindsay, Logan, Nigel. Je m'y attendais tellement pas là. Oh, c'est putain. Quand même grave un mec qui s'appelle Jonathan qui envoie ça, je suis ultra mort. C'est Adrien qui s'appelle. Ouais, c'est la même merde. Oh, oh, non, Nigel, arrête. Il est piqué. Non, pas du tout. Et un Diconnect, c'est quoi ? Bah, Diconnect, c'est un peu le même délire. Je crois que Diconnect, on le dit. Un Diconnect, c'est un vantard. Ouais, mais quand même, Baraki, il se la pète un peu. Pas nécessairement. Mais il a fait un peu son Diconnect et c'est un vantard. Oui, mais quand tu vois le film Diconnect. Oui, mais. Le film est... Diconnect, c'est pas Baraki. Un Diconnect, c'est un mec qui se la pète. Oui, je suis d'accord. Et un Baraki, c'est juste un bête. C'est un gars qui se la raconte, un Diconnect. Tu peux être un Baraki, Diconnect. Voilà. Ouais. Diconnect, c'est Bruxelles, Baraki, c'est Wallonie. Voilà. Vive la Belgique. Il y a plein de messages qui arrivent. Hein. Salut la team. Les Carabils, c'est la bière numéro 3 en Belgique. Mais ils ont dit ça il y a 2 ans. 2 ou 3 ans. Ouais, un truc comme il y a 3 ans. Elle est numéro 3 en Belgique. Et d'après ce que je sais, c'est les fonds des tonneaux de Jupiler. Donc, ouais, elle est bonne. Et en plus, elle est pas chère. Bah voilà, c'est ça, effectivement. Ah, c'est les fonds de tonneaux de Jupiler. Ouais, ouais, ouais, c'est le fond de tonneau, c'est ce qui reste, quoi. Ah ouais ? Voilà. Alors, parce que maintenant, depuis que l'autre supporter, là, il est venu balancer. C'est quoi, Baraki, un supporter du Standard ? C'est pas moi qui l'ai dit. Je me fais clasher par Liège. Ouais, mais t'as rigolé. Sur WhatsApp, actuellement, là. Non, j'ai dit, c'est pas bien, c'est pas cool à dire. 0492-222-002 si vous voulez, si vous m'en balancez plein la gueule. Mais alors là, du coup, on me dit, alors ton Andorlec de merde, je te le mets dans le cul. Allez, c'est parti. Ça va, lui, il a précisé, monsieur, du message vocal. Alors, on t'emmerde d'Andorlec, toi. Ça va, ok, arrêtez, c'est pas moi, Vince, comment est-ce que tu oses parler de nous comme ça. Ah ouais, Baraki, c'est aussi une ville en Algérie, visiblement. Hein. Ah bon ouais. Qui, à la base, ça vient d'une ville que vous avez en Algérie, vous avez, regarde. Voilà, merci. Non, Vince, je soutiens le RFC Liège. Bon, les amis, est-ce que vous êtes prêts pour téléphoner à monsieur Dom Dom? Oui, bien sûr. Ouais, Dominique, on va tenter de l'appeler. ça décroche au Standard, là, les gars, vous avez tenté hors antenne un peu, là. Ça dit quoi? Eh ben, là, tout à l'heure, il avait décroché, mais on a vite raccroché pour pas qu'il crame, tu vois. Là, on a voulu le rappeler, pour le moment, il décroche plus. Ah bon? Donc, on ferait quoi déjà? L'histoire, c'est en mode gilet jaune, tout ça? Ouais, vas-y, on va se faire passer pour des gilets jaunes. On sort les sifflets et tout. Et attention, on sort parce les bruits de manif. Nous, on est les gilets jaunes et on n'a pas des sifflets, il nous manque des trucs de manif grave. Ah, non, dommage. Ouais. Nous, on fait genre qu'on est. Gilets jaunes! Et Nigel, alias Charisma, est la leader des gilets jaunes. Gilets jaunes! Moi, je t'arrête ma mère. Vous allez tous me redonner mon bif. Ça va être très crédible, ça. Ouais. Ça va être juste après sur Énergie, là. Dominique, président des Baraki. Bah, est-ce que Dominique, mesdames et messieurs, alors pour ceux qui viennent arriver sur Énergie, qui connaissent pas Dominique, c'est un mec, ça fait des années, je crois que je l'appelle. J'arrête de l'appeler pendant des mois, puis je le rappelle. Il sait pas que c'est nous, la radio, etc. Et en gros, le mec travaille dans tout ce qui est déménagement. Il récupère tout ce qui est matériaux en bois. Et ce qui se passe, c'est que quand on lui fait une blague, on essaie toujours un petit peu de le guider, de l'amener en disant voilà, on voudrait un rendez-vous pour récupérer du matériel, etc. Le mec est intéressé parce qu'il le fait gratuitement, il reprend tout ça gratos et tout ça, et l'idée c'est que la raison pour laquelle il s'énerve, c'est quand on dit Godan bois. Alors je sais plus d'où c'est venu. Ouais, c'est venu un jour et puis maintenant il reconnaît le code. Voilà, et donc quand on a envie de lui faire comprendre que c'est une blague parce que le mec il est trop dedans, on lui dit au fait, est-ce que vous prenez le Godan bois? Et à ce moment-là, le mec il pète un câble mais total. Je sais pas si vous le connaissez, dites-nous si vous le connaissez ou pas sur le WhatsApp là, 0492 222 002 sur WhatsApp, 0492 222 002 là. Hey Patrick, la vérité. Classique ça. Comment j'ai trop hâte mon ami. Ah, Fabiano il connaît les bails, tiens. Ah, vol. Donc 0492-222-002. Oui, Dom Dom est un gros baraki et en plus il vient de Serein. Oui, bah comment ça y est en plus? Tu peux venir de Serein et être tranquille. Hein. Moi j'ai l'équipe, allez, je crois bien. Salut Zaïd. Alors dis-nous d'après vous, est-ce que Dominique c'est un baraki ou pas? Voilà. Ah, ça dépend. Ah, bah, c'est ce qu'on va peut-être savoir tout de suite sur Énergie. Bienvenue. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Téléchargez maintenant l'application Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie Latino, Énergie Hits 2000, Énergie Discover et beaucoup d'autres comme Énergie Rap FR. Retrouvez tout l'univers Énergie Rap FR en non-stop et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Rap FR sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche es muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer, y si no pues tú no ven. Esta noche llego a hacerme con el parque, de noche me flauco como Yandel. Dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. La gente me echa, poco está para rumbear y poco para danzar. No llego a todos ya. Quiero el ritmo sin ley. El papi pola, vamos a romper la frontera con un olé. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo mueva. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo mueva. Mami, yo sé que quieres vacilar con tus amigas en el bar. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Que lo que. Un, dos, tres, go. L'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Bienvenue les amis. 22h03, ouais. On est là, on est bien. Et Dominique décroche pas, c'est une blague. Le mec il a décroché là tout à l'heure tranquille. On lui dit, écoutez très bien, on vous rappelle après, on se fait passer pour quelqu'un d'autre. On le rappelle, il décroche pas, on essaye, viens on essaye. Bah, vas-y, on va essayer. Vas-y, avec un peu de chance là. Je te jure, à chaque fois, c'est pour ça qu'on vous l'annonce jamais. Parce que si on l'annonce, quand des fois on l'annonce pas et tout. Enfin bref, vous avez compris. Les en lien du direct. Voilà, oui, bon là. Qu'est-ce que tu veux? Si il répond pas, putain. Allez. Dominique! Allez! Oh, il répond. Oh, il est relou! Mais il fait sa life! Oh, il travaille! Il fiche dans une baraque! Il est relou, le pauvre! Bah, nous aussi, on est relou, hein, tout le temps l'appeler! Il travaille, oui! Ouais, c'est vrai! Il est parti chercher du con en bois! Ah, c'est mort, regarde! Ouais, messagerie, laisse tomber. Eh ben voilà, la déception. Et merci Dominique. La déception totale. Mais non, mais je m'en fous, on va essayer après. Oh merde. Non, mais vous devez comprendre un truc. Nous, avant de l'appeler, parce que comme on sait qu'il décroche plus autant qu'il ne décroche à un moment, on essaie comme ça de temps à autre, tu vois, avant l'émission. Et quand on arrive à le choper avant l'émission, on lui dit bonjour, c'est pour qu'il joue. On se fait passer pour des gens crédibles, quoi. On dit voilà, on vous rappelle plus ou moins vers telle heure et tout. Le gars, oh oui, y a pas de problème, vous pouvez me rappeler. Oh oui, y a pas de problème. Moi ça va, tout ça. Je l'entends dire ça, donc je me dis ça va, tranquille. On le rappelle à ce moment-là. Le mec décroche plus son tel. On a essayé hors antenne avant pour vérifier. Bah voilà. C'est une urgence. Ouais, tu parles quoi. Ah oh là là, quelle tristesse, quelle déception. Orage, oh, Putain, wow. Vince a malade de lui sonner encore après toutes les phases. Dis-nous à quoi il ressemble. J'écoute depuis la première fois. J'ai écouté au moins 10 fois avec Proximus et la voyance et le pirate. Il y a un mec qui s'y connaît trop là. Il y en a plein qui le connaissent depuis très longtemps, qu'on lui faisait des blagues à tout avant là. Puisque effectivement, on a démarré le 27 août ici sur NRJ, mais avec Lara notamment et Nigel, on fait de la radio depuis des années, les amis. Hein. Bon, 40 ans. Va falloir qu'on se lance dans le kikoulol du coup, hein, vu qu'on n'a pas réussi à le joindre. Ouais, je suis déçu, je suis déçu, je suis triste. Hein, Il y a un mec qui s'y connaît. Bonsoir Vince. Bonsoir Marco. On me dit Vince pour retester. Je veux bien essayer. Je veux bien essayer de le choper là. Mais là, c'est compliqué. Malheureusement, s'il ne décroche pas, il ne décroche pas. On ne peut rien faire de plus. Calmez-vous, je vous demande de vous calmer. Oh là là. Non mais je te jure, j'y ai tellement cru, j'étais tellement content, je me dis c'est bon. Il y a pire dans la vie. Non, il y a pas pire. Mais non, moi en plus moi je voulais le vanner avec les gilets jaunes. Il y a pire, pas pire, ciseau. Il y a pas pire, ciseau. c'est pas mal, je vais la faire celle-là. Oh là là, c'est le genre de blague de la race en plus. Ouais, tout à fait, mais je déteins sur toi, mec. Oh non, Dominique. Oui, la déception, n'est-ce pas. Allez, envoyez des messages. Allez, Vince, une dernière fois, tente-le. Ouais, bah, envoyez votre déception par message vocal, s'il vous plaît. Voilà. Il y en a beaucoup. Hein. Tu dès hein. Il est obligé de décrocher. Hein. C'est son téléphone de business. Hein. Oui. Bah oui, complètement, mais là, il décroche pas malheureusement. Dédicace à Aurélien et Élise de la part de Marco. Eh ben, message bien passé. Dédicace à Élise et Aurélien de la part de Marco. Il l'a fait deux fois. Hello. Antoine, il nous dit quoi là en message vocal? Mais non, dom-dom. Bah ouais, déçu. Même Pascal, il m'écrit déçu. Putain, mais en fait, tu sais comment on va l'appeler ce type? Yeah, mais Timou, comment on va l'appeler? Dom-dom-go. Ouais, parce qu'en fait, on est jamais sûr de l'avoir, tu vois. J'adore parce qu'on nous dit piéger Dominique, tu devrais le faire la journée, l'enregistrer et le passer le soir ou le vendredi. Mais j'aime pas enregistrer, je déteste ça. Ouais, loup. J'ai horreur de ça. Bien, la seule chose qu'on fait pas dans cette émission, c'est enregistrer. Non, je jure. Mais on sait pas faire. On n'arrive pas. On est trop mauvais quand on enregistre. On s'amuse pas du tout, quoi. On est là. Ça nous fait chier. C'est drôle. Il est 15h, ça fait super rigoler. C'est parfois, vous avez constaté qu'on fait des blagues et les blagues marchent pas à l'antenne, ou genre la personne décroche pas, ou la personne de nana, parce qu'on est dans le direct, en fait. Et on s'en bat les couilles. Et vraiment, on le fait en mode. Alors j'adore parce qu'on a notre ami qui est notre brand manager, hein, à savoir. Nicolas Fader, voilà. Brand manager. C'est notre brand manager, c'est notre patron, entre guillemets. Il nous dit, mais les gars, enregistrez vos séquences. Et on s'est regardé tous, mais on n'est pas capable d'enregistrer. Et, quoi. Et là, il nous regarde, vous faites une émission depuis des années. Vince, t'as 10 ans de carrière. T'as toujours été le king de la libre antenne en Belgique. Tu fais de 21h jusqu'à minuit. Ouais. Et t'es pas capable d'enregistrer une émission. Non. Je fais non, je n'arrive pas, je ne sais pas, je suis incapable de le faire. Nous sommes des anges de l'impromptu. Je te jure, oui. Spontané. J'adore quand c'est spontané, mais je n'arrive pas à le faire quand on sait qu'on n'est pas en direct. On est trop nuls. On est des merdes. C'est vraiment. Mais parce que toi, en plus, quand on est en direct, t'as tendance à regarder ton WhatsApp. Ouais. Genre, ouais, qui me dit quoi, genre pendant le canular. Et mais du là, coup, quand on est pas en direct, c'est. Ah, mais putain, on a un message de. Ouais. Ah, ouais, mais y'a personne. Bah voilà, deux personnes, puisqu'on a enregistré. Je te jure, déjà, ça m'a fait chier avec Jamel Debbouze, alors si je dis pas. C'était dur. J'étais obligé d'accepter. C'était dur. Mais ça m'a fait chier d'ailleurs. Vous avez entendu le montage, j'ai été bourré quoi. Non, y a rien, franchement, il n'y a rien de mieux que le live. Et puis la radio a cette magie d'être. Voilà, sur le fil, d'être quoi. D'être du direct. Tu sais pas ce qui va se passer. C'est ça. C'est ça. Tu peux dire des conneries, tu peux te faire virer. De nos jours, tout ce qui est en direct maintenant, en télévision par exemple, c'est les speakerines et c'est tout en fait. Et encore, parce que maintenant ils mettent un décalage de 2 minutes. C'est vrai, avec la speakerine. Ouais. Avec tout le monde. Au cas où, elle est terminée. Et c'est la speakerine et c'est le journal télévisé qui sont en direct. C'est encore en direct. Qu'il y a quand même un direct différé. Ouais, c'est différé. Arrête. Toujours, mais on sait jamais, ouais. Évidemment. C'est fini. Imagine c'est... le type. Donc il n'y a plus que nous qui sommes en direct directement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc si quelqu'un a des mauvaises pensées, il sait que nous on est en direct. Alors. Ouais, c'est ça, ouais. Au 775, chaussée de Louvain à Bruxelles. Exactement. À 11h40. Il y a Lara qui a regardé à gauche à droite. Et si jamais vous voulez, il y a la voiture de Lara devant. C'est une Citroën. Nique. C'est nous, on s'est fait niquer. Je pourrais passer à l'antenne pour te remercier de la soirée d'Halloween parce que tu m'as fait rencontrer quelqu'un et qu'il fallait absolument que je t'en parle. Écoute, si tu veux passer à l'antenne pour nous en parler. Mec, ouais. Réponds, s'il te plaît, réponds. Eh non, malheureusement. Vin, j'ai raté le pour-compte service militaire. Point d'interrogation, non, c'est tout à l'heure. T'inquiète pas. Je voulais que tu prennes mes godons en bois. La vérité. Ah oui, malheureusement, c'est mort. Si tu veux. Tu sais, quand il y a un gros, il te fait chier, tu sais ce que tu lui dis? Et tu sais, c'est quoi le pays qui t'entoure? Bah, la Grèce. Ouais. C'est une vanne, tu faisais ça en 2002. Ah, mais tu sais, voilà, parfois les blagues reviennent. Hein, regarde, le morceau de musique, ça revient. Hein, ouais, mais quand c'est de la merde. Regarde, toi, t'es revenu. T'as une petite dédicace pour toi, Nigel, de la part de Flora. Oh my god! Wow. Bon, les amis, on va jouer un nouveau jeu ce soir. On a Rachid qui est là. Salut, Rachid. Rachid dans la maison. Et sur Énergie. Ça va Rachid? Ça va ou quoi Vince? Ça va ça les gars? Ça va mon pote, oh, bien, on est là. Yeah. On est là. Alors Rachid, on va jouer avec toi ce soir un jeu qui s'appelle le Kikoulol, c'est nouveau, ça vient de débarquer sur Énergie. On téléphone à des gens qu'on ne connaît pas, il faut tenter de les faire rigoler. Oh yes, c'est le jeu le plus difficile. Ah ouais. Non mais avant j'ai arrêté de le faire parce qu'il était trop dur. En plus c'est pas enregistré donc. Ah bah voilà. Ah putain ouais. Non mais c'est ça. Si on avait genre toute l'après-midi pour enregistrer jusqu'à ce que on tombe sur quelqu'un qui rigole, tant mieux. Mais de nouveau on est dans le même cas de figure, on n'enregistre pas. Ouais, c'est bizarre. Mais j'ai enregistré tantôt, arrête de mentir. Il est con, mais il est drôle. Non mais c'est ça. Méfiez-vous, hein. Si jamais vous entrez dans cette émission que tous nos canulars réussissent les uns derrière les autres, méfiez-vous. Remettez en question. C'est exceptionnel. Ça n'arrive jamais, tu vois. Non, franchement, on veut juste être. Voilà, on aime bien ce qui se passe là sur le moment. Est-ce que tu peux m'encourager pour mon examen de français demain? Eh ben, courage. Courage. Voilà. On devait avoir Zeida là pour Kikoulol. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à voir Zeida, les amis. Son numéro il n'est pas attribué alors qu'en antenne son numéro il est attribué. Mais c'est son numéro WhatsApp en plus. C'est trop bizarre. Peut-être que c'est datif. Ouais. En plus elle nous a envoyé des photos et tout. Zeida. Bon bah c'est datif, je viens de capter la blague. C'est pas grave. Bon, attention. Claqué, hein, les amis, tour de table, on va commencer. Ben, qui va s'y coller en premier, tiens? Un grand pique couligram. Eh ben c'est Rachid, t'es prêt Rachid? Ouais, je suis prêt, je suis là. Allez, c'est parti. On téléphone à quelqu'un, il faut tenter de le faire rigoler. Ce qui n'est pas évident. D'accord. Ben, non mais c'est chacun pour soi. Ah, c'est chacun pour sa gueule. Comme ça. On appelle des gens qu'on connaît pas. Hein. Il faut tenter de les faire rigoler. En combien de temps? 30 secondes. Oh, c'est chaud. Faut que ça réponde aussi. Ah ouais, ça? Bah, 22h11, ça va encore. Allô? Voilà. Oui, allô, bonjour madame, comment ça va? Ça va. Ça va? Et dites-moi madame, comment vous appelez c'est l'émission Décrocher, c'est gagné. Vous avez gagné 10 000 euros, mais tout d'abord, il faut que vous répondiez à une question, d'accord? Ouais. Allô? Ouais. Et okay. Dites-moi. Une prostituée, une pute qui fait régime, c'est quoi? C'est quoi alors? C'est raté! Et c'est quoi? Ben, c'est une grosse pute. Oh. En plus, elle était réceptive. Elle t'écoutait, elle a fait: ah oui, allô, oui, ouais, très bien. Comme c'était la première fois, on peut essayer d'appeler quelqu'un d'autre. Non. Comme Ryan nous a dit, mais il est con lui. Ouais. Ah, ça aurait pu fonctionner, hein, mais malheureusement, je crois que tu fais trop de. Smoke weed every day. Allez, c'est parti. Les amis, c'est moi qui m'y colle. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. Oh là là. Courasse. Courasse, ouais. Espèce de courasse. Et celui qui arrive à faire rire, il gagne quoi? Rien du tout. Ah, je respecte tout le monde. On y va. Ah, bon, on rappelle ailleurs. Oh, c'est hyper marrant. Voilà. C'est une espèce de rire, en fait. Ouais. Ah ouais. La sonnerie qui rigole. T'as gagné. On a répond. Non, il n'y a rien. Allô? Allô, Patrick? Non, vous avez. C'est une erreur ici. Je pensais que c'était Patrick parce que, en plus, c'est incroyable. J'ai gagné 10 000 euros, je voulais annoncer une bonne nouvelle, mais. c'est vrai, ah, ça aurait été bête que je gagne 10 000 euros du coup, hein. Oh, il a raccroché! Non, merde! Je sentais qu'il avait raccroché au nez. On a appelé un flamand. Attends, on a appelé un flamand? Oui, je crois. Mais les gars, on appelle en flamand. Mais ou alors, quoi on a le droit, quoi. D'accord, au revoir. Ouais, mais non, les gars. T'es en train de dire qu'ils sont pas marrants? Mais non, c'est pas qu'ils sont pas marrants, c'est qu'ils comprennent pas le double jeu, le double sens. C'est pas, mais t'as pas fait de panne, wesh. J'y arrivais tout doucement, mais j'ai entendu le mec qui parlait flamand. Pas de discrimination. Mais ça n'a rien à voir, c'est juste. Mais c'est juste qu'à un moment donné, t'appelles. Moi, il y a un néerlandophone qui m'appelle. Il peut me faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il va me dire. Je vais pas rentrer dans son jeu, je vais juste dire: écoutez, je suis désolé, je ne maîtrise pas bien un point, tu vois, c'est tout. Il parle français. Merde. T'as dit allô Patrick, t'as dit non vous vous trompez, donc d'où c'est un flamand? Mais il a dit non vous vous trompez. Je te jure qu'il avait un accent flamand, donc, le mec. C'est la discrimination des accents. Si maintenant on tombe sur quelqu'un, allô bonsoir, et tu vas dire: ah ben non, c'est un espagnol. Bah ouais. Avec ça, pas là, donc ouais. Ça rigole pas ou quoi? Next, attention, c'est parti, c'est Nigel. Vas-y Nigel, c'est parti, en 30 secondes, on téléphone à quelqu'un. Il faut tenter de la faire rigoler. Qu'est-ce que tu m'as dit? Eh, j'ai grave l'impression que je vais me prendre un beat, mais de. Ouh. Non, t'en as déjà un. Excellent. Allez, t'inquiète. Allô? Ouais frérot? Oui. Ouais, hey, que fait un chinois sur une moto? J'ai rien compris. Que fait un chinois sur une moto? Faut aucune idée, mais ça peut être marrant. Nem. C'est gagné. Je suis le jeu. Je reprécise quand même Mister Boone qui me dit si c'est un flamand, j'ai capté son accent aussi. Donc alors, Vince peut retenter. Il n'y a pas de raison. Tu veux retenter Tu veux te reviander? Ouais, pourquoi pas, ça fait toujours du bien. Bravo. Ça va, calme-toi. Attention, l'appel pour Lara. Ah non, je sais pas quoi dire. Allez, ça va, calme-toi. J'ai pas de blague en stock là. Mais moi, j'en avais pas non plus. Ouais, parce que mam, j'ai pas capté. Même, genre des mêmes. Attention, l'appel. Ok, d'accord. Ouh, c'est la fête. C'est la foire à la saucisse. Alors, bonjour, vous êtes bien au zéro? Oui. On appelait pas la même personne là, par hasard. Non, c'était pas la même. Ok, allez, on appelle. J'ai pas de blague. Bah, on s'en fout. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Allô? Oui. Allô? Allô? Ouais. Ouais. Et ça va ou quoi? Ça va. Hier, dit, t'étais un peu. Skiff, hein? Hein? Pardon? Mais j'ai les photos de la soirée. C'est qui là? Mais c'est moi! Allez, arrête de faire semblant! Tu te rappelles pas la soirée d'hier? C'est qui toi? C'est qui toi? Mais c'est moi, allez! Bon, vas-y, devine, c'est qui ça peut être? Allez! Bah, c'est qui? Allez, dis-moi! Allez, l'autre, dis-moi, allez! Allez! Allez, Marcel! J'ai tué. Il a raccroché en fait. Quel dommage. Putain, arrête. Non, parce que t'sais, Lara, elle allonge son rire, genre, allez, le rire provoque le rire. Peut-être qu'en allongeant le rire, il va répondre, tu vois. Exactement. Par contre, j'exige mon joker, s'il vous plaît, si possible. Ça ferait plein plaisir. Quel joker? Ben, prends-le. Ben, merci. Allez, donne-moi mon joker. Ça s'appelle Vite sur Énergie. C'est vrai, mais putain, j'oubliais. C'est toi qui fais ce que tu veux. C'est vrai, j'ai le droit de le refaire. Allez, ben, je refais. Bon, mais ne mettez pas en portugais maintenant, s'il vous plaît. Hein. Ben. Comment on peut savoir? Je sais pas. Je crois qu'il a un numéro qui se termine en ouche. Allez, on appelle. Ouche. Allez. Il faut que ça décroche. C'est con. Ah, on est des vieux ou quoi là? Par l'ouche. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. On rappelle ailleurs. C'est reparti. Répondez. Allez. Ton joker ne pense pas. On appelle Saint-Gilles. Oui. Hé, hey, devine quoi? J'ai gagné le loto, dit. Allô? Pardon? J'ai gagné le loto, tu te rends compte? À qui j'en ai, s'il vous plaît? Mais c'est moi, c'est... Mais tu me reconnais pas? C'est pas Jonathan là. Allô? Oh putain le con. Allô? Hey Jonathan, tu rigoles ou quoi? Oh mais merde. Oh putain. Le truc du loto, hey, mais je tombe tout le temps sur des. Allô? Mais frère, oh, qu'est-ce qu'il y a? Qui tu veux qui rigole quand tu dis? Oh, j'ai gagné 10 000 euros. Ouais, mais c'est bien. Non. Parce que je sais vers où je vais aller. J'attends juste une réponse. J'attends le c'est qui. Et après il me suffit de répondre un truc. Mais Deux fois, c'est qui hein? Ah là là, Vince, dur de faire rire une boîte vocale juste avant là. Non mais le mec limite lui était une boîte vocale. Bon bah. Ah Thibaut, tu t'y collais, t'es prêt Thibaut? C'est rigolé. Bah mets un casque. Bah on en a pas pris en fait. T'es sérieux, vous avez pas de casque? Non. Non mais alors là, c'est la meilleure du siècle ça. Attends, y'a toujours un casque qui traîne ici. Ouais, bah là pas finalement. Mais là, y'a pas de casque qui traîne. Ah vas-y, t'inquiète, y'a un assistant là qui va nous ramener un casque. Allez, voilà, tiens, il est là. Le là c'est bon, y'en a, t'inquiète. Ouais, ok, très bien. Je suis en train de tout casser. Sérieusement, quoi. Oh putain, deux fois vautré là. Hey, les mecs, ils viennent. Moi je pense que quand on vautre, il faut pas rejouer, quoi. C'est voilà, c'est passé. Mais non, il faut continuer à rejouer. Ouais. Tu sais quoi, je vais enregistrer cette émission. Non. Je rigole. Allez, vas-y, c'est parti. C'est Thibaut qui s'y colle. On appelle. Let's go. Et après, Offenbach, Benjamin Grosso qui arrive avec Paradise. Attention, tranche de rire en souris ici. Allez, on croit en toi. Vince, tu tombes que sur des groseilles. C'est la remontada. Oui, alors. Toc, toc, toc. Allô? Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Non, toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Qui est là? Alphonse de la Cacare. C'est pas toi qui ouais, je sais. Toc, toc, toc. Tic, tic, tic. Il parle, wesh. Il parle, connard. Bah, t'as une blague à me proposer. Quoi? Feur. Une quoi? Feur. Quoi? Feur. Feur. Coiffeur. Déjà, c'est la fin de tes 30 secondes, déjà. Coiffeur. Coiffeur. Bon. Mais non, c'était la fin de 30 secondes. 30 secondes est passé, malheureusement, de loin. 44 secondes. Bien tenté, mais il tombe sur des gens plus ouverts, j'ai l'impression. Il fait des signes genre coupleux, carrément. Mais attends. Mais pourquoi tu fais des signes genre coupleux puisque t'es au standard, en fait. Mais alors, c'est pas grave, t'étais bien lancé. Ah, mais ouais, c'est nous qui pouvons le couper, en fait. Ah là là. Mais pourquoi tu fais. Bon. Eddy, c'est parti, à toi de jouer, Eddy. Let's go. Allez. Et après, c'est au fun back, comme promis. Il est terrible ce jeu, Vince. Yes. Attention. C'est une mission de la plus haute importance. Est-ce que Eddy va réussir en faire un Eddy? Regarde Eddy, je prie pas. Allô? Allô? Oui, bonjour. Pascal? Non. Putain, j'ai une blague de ouf, j'ai une blague de ouf, j'ai une blague de malade là, j'ai entendu tout à l'heure là. Tu veux que je te raconte vite fait? Non, vous faites erreur. Vas-y, non, mais je vais te raconter la blague vite fait. Quelle est la différence entre un lapin et un pneu? Non, vous faites erreur. Mais tous les deux sont en caoutchouc sauf le lapin. Hold up. Ah, putain, bien joué, bien non, essayé. J'ai pas compris moi. Eh, bien tenté. C'est pas grave, il a inventé, on s'en fout. Mais c'est pas drôle. Off the back, Benjamin Grosso Paradise, on arrive. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah. You're smiling and taking my baseball cap. As if you're bulletproof. You mentioned something about a room for two. Oh honey, I do everything for you. Everything for you. You give me butterflies. You feel like paradise. Du lundi au vendredi, Vince. Vince est sur énergie. Salutations, ladies and gentlemen, welcome up energy. Ouais, j'ai dit hop, j'ai mélangé trois langues différentes. Il y a 22h22 raté. Oh. On a raté 22h22, mais quelle déception. Mais oui, je sais, c'est triste, 22h24, on peut se rattacher sur le 23h23. Hein. Vince, ma femme, elle rentre pas dans la cave, vieux, je peux pas la mettre dans la chambre. Je peux la mettre dans la chambre, mais c'est du sérieux, j'enferme pas ma femme pour rien. Quoi? Mais attends, mais je comprends pas ton message. What? Il va falloir me contextualiser ça, ce n'est pas très très clair et tout ça là. Et sinon il y a plein d'auditeurs qui m'envoient un message. Donc là du coup ben j'ai eu un petit peu plus d'infos sur la situation. C'est parti un petit peu, un peu beaucoup même en fusillade à Strasbourg. Non. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de messages d'auditeurs par rapport à ça. Les amis, relax, faut pas paniquer. Voilà, ils vont parler de 2 morts, de 11 blessés, Ouya, dont 2 en état critique. Voilà, je connais pas. Non mais quand je dis ça, c'est parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais Vince, bordel, c'est encore la merde et tout. Ouais, on n'en sait rien. Les gars, il faut pas laisser l'émotion prendre notre voilà, prendre le contrôle de notre cerveau dans ce genre de cas. Restons tranquilles, c'est restons chill. Doum doum. Et voilà, exactement. Doum doum, c'est quoi le contexte, Nigel, encore? Bah, Doum Doum, c'est moi. Alors non, non, non, non. Doum Doum, moi je veux bien réexpliquer ce concept puisque tu viens avec cette référence d'hier. Nigel a fait semblant de ne pas avoir préparé les questions de notre super jeu Tic Tac Boom. Ouais. Et à la première question où tu demandais quel pays d'Asie, quelle ville d'Asie porte le même nom qu'un, que, je sais pas, le bruit que fait un fusil, l'autre il sort Doum Doum de nulle part. S'il vous plaît, essayez de me soutenir sur cette explication parce que. Mais c'est parce que Nigel avait lu la question de base, c'est pour ça. Voilà, voilà, c'est là le doom doom. Voilà. Bon, Nigel, tu évites de faire des références, hein, merci. Vite, si tu connais pas les sketchs de Dominique, tu connais les sketchs de Dominique par cœur par hasard. Tu connais pas les sketchs? Non, je connais pas de quoi les sketchs, ou je sais pas très bien. Vince, Dominique, il décroche quand? Bah, il décroche pas, les gars. On a réessayé, on a beau faire. Ça sert à rien, malheureusement, on n'arrive pas à l'avoir. Oh. On a Naïma qui est là. Coucou Naïma. Naïma est dans la maison. Ça va Naïma? Ça va et toi? Mais ça va très bien. Quelle ville tu viens? De quelle ville tu viens Naïma? De Bruxelles là. Ah, la capitale bien entendu, 103.7. Bruxelles V. Et Naïma, ce soir tu vas nous parler d'un sujet, un sujet qui est important puisqu'on en parle de plus en plus. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour du service militaire? Ah. Puisque je crois qu'il était fini il y a une vingtaine d'années, le service militaire. Ouais. Truc dans le genre. On est en 95, quelque chose comme ça. Ouais. Seulement. Ouais, on est en 95. Avant, t'étais obligé, quand t'avais 18 ans, de partir pendant. 6 mois. Ouais, que c'était pas 3 mois, 6 mois. Je crois que ça dépend. Je sais pas du tout, j'ai jamais fait ça. Juste le basique, quoi. Ok. Et toi, t'as quel âge, toi, Naïma, si je peux me permettre? J'ai 54 ans. 54 ans, et donne-nous un peu ton avis, service militaire. Toi, t'es pour le retour et pourquoi? Bah, parce que j'ai remarqué qu'en fait, depuis la suppression du service militaire, bah, y a quand même pas mal de choses qui sont parties avec, à savoir l'éducation, le respect, la prise de conscience, le vivre ensemble. Il y a tellement de choses qu'on apprenait pendant ce service militaire qu'en fait, j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui sont un petit peu perdus. L'école ne prend plus la peine de donner une éducation, démissionne complètement parce que justement, ils n'ont plus le temps de s'occuper de diriger un petit peu ces jeunes qui sont en difficulté. Bien sûr, ceux qui n'ont pas de problème s'en sortiront, mais ceux qui se retrouvent en marge de la société, qui ont des difficultés au niveau de l'illettrisme, au niveau de formation de métiers manuels, de promotion sociale, tous ces jeunes-là qui se retrouvent un petit peu perdus. Mais du coup, est-ce que c'est au service militaire d'éduquer les gens? Non, je ne dis pas que c'est le service militaire, mais je veux dire que ça faisait quand même partie, c'était une institution qu'un jeune, avant de faire le grand saut de l'adolescence, donc le passage de l'enfance à l'adolescence, n'était plus aussi marqué. Du jour au lendemain, ils se retrouvent un petit peu abandonnés quelque part et ils ne savent pas, ils n'ont pas les armes assez solides pour pouvoir un petit peu faire, comme je disais, le grand saut. C'est ce que tu veux dire. Parce que Naïma, moi, ce qui m'étonne un peu là derrière, c'est que c'était obligatoire à l'époque. Mais c'est bien, non? Je sais pas, quand t'es obligé de faire quelque chose. Si t'as envie de t'enrôler dans l'armée, enrôle-toi dans l'armée, vas-y, deviens paracommando et tout. Mais à partir du moment où toi, t'aspires à d'autres choses, tes aspirations en tant qu'individu, c'est tout simplement, t'es déjà bien éduqué, t'as aucun problème, t'as pas de soucis. Ça veut pas dire que t'auras nécessairement une vie structurée pour autant, que l'arrivée dans la vie adulte n'est pas violente pour autant. Mais oui, mais très bien, mais t'as des gens qui ont peut-être en ont besoin, mais toutes ces personnes qui en ont pas besoin et qui sont obligées d'aller. Le constat, excuse-moi de te couper, mais le constat est là. Depuis l'abandon du service militaire, ben, malheureusement, cet abandon a participé, à emmener les gens à une éducation qui n'est plus fondée sur les mêmes principes. Bien sûr que c'est pas le service militaire qui éduque, on éduque à la maison, on éduque à l'école, mais le service militaire, évidemment, là, il était obligatoire, c'est peut-être pas le rendre obligatoire, mais en tout cas donner beaucoup d'armes à certaines personnes. Et moi, ce que je remarque dans le métier que je fais, malheureusement, de plus en plus de jeunes se retrouvent du jour au lendemain. Ils ne veulent plus aller à l'école. L'école ne les oblige plus. Elle n'a pas le temps à perdre avec des gens qui n'ont pas envie de travailler. Oui, mais ça devant les écoles. Tu as des écoles, effectivement, qui abandonnent. Tu en as d'autres qui gardent et qui font le travail jusqu'au bout. De plus en plus. Moi, je trouve que c'est, en tout cas, de mon expérience, de mon âge, je trouvais que le service militaire apprenait beaucoup de bases, donnait quand même des armes. Parfois, même des jeunes qui sortaient du service militaire qui ne faisait rien à l'école, quand ils sortaient du service militaire, eh bien, ils avaient pratiquement une envie de faire un métier et d'avoir un métier en main. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le service militaire, ça ? C'est qu'on leur apprend quand même à avoir une certaine rigueur, à se lever une certaine heure, à devoir répondre à des obligations, à forger un caractère pour pouvoir quand même... Bien sûr. Je suis assez d'accord avec Naïma, moi. Maintenant, personnellement, j'aurais beaucoup aimé... On en parle dans quelques instants. On va avoir le son d'Adjou qui va arriver avec Jalou. Je dois un petit peu l'avis des auditeurs. Là, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Naïma, là ? Marco qui nous dit tout à fait raison, la madame, bravo. Merci à l'auditrice. Moi, je suis déçu de ne pas l'avoir fait entre rigueur et bon pote. Maintenant, on dépend des caractères. Petit message vocal de Michel, là, sur le WhatsApp. T'as raison. On apprenait la discipline et le respect. Ce qui manque maintenant aux jeunes. Et moi, je voudrais la vie des jeunes, là, derrière. Parce que je veux bien qu'il y ait des personnes. Je veux bien qu'il y ait des personnes plus âgées qui disent, ouais, mais voilà, c'est ça qu'il faut pour eux. Mais qu'est-ce que les jeunes, ils veulent pour eux? Je voudrais un petit peu leur avis. On en parle tout de suite. 0492 222 002 sur WhatsApp. Let's go. Énergie le soir. Oh my god. Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Chaque matin, vous vous réveillez avec énergie. Alors, à votre avis, Céline Dion, est-ce qu'elle demande ça, que sa loge et son dressing soient maintenus à 23 degrés? Ça paraît très ouf, mais en même temps, c'est Céline. Hein. Céline, elle a tous les droits. Hein. Ouais, elle peut faire ce qu'elle veut. Eh bien, je t'aime bien dans 23 degrés. Donc. C'est vrai. Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Dès demain, 6h. Marco, Jérém et Frisco vous offrent vos vacances. 2000 euros pour le soleil ou le ski en France. Énergie. Ali Murs. Big Snoop Dogg. You know we about to make moves. You did. Walk in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. Wink at the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink, trying to cover it up. Got the dad dance moves, staying ready for them. Got the Batman groove, go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do you wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up, so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Slow down. DJ play that track, checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back, but you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips, jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. See what I come to find. It's your moves, baby. You did. 'Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. It's your moves, dance to the rhythm of the D.O.D.E. 'Cause I can't dance in the way that you do. D.O.D.E. And when the DJ's spinning that song that we grew to. You know we about to make moves. Come and teach me how to dance. You did. Vince. Tous les soirs de 21h à... En fait, on ne sait pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Le service militaire, est-ce que vous êtes pour ou contre? On en parle avec vous, les amis. Vous pouvez réagir sur le numéro de téléphone gratuit. Le WhatsApp, il suffit d'ajouter à vos contacts d'abord 0492 222 002. A tout de suite, voici Dadju Jalou. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler?

un peu tendre la main en disant bon ben voilà, je termine mes études et je veux être payé 2 500 euros et je trouve ça normal, alors que en fait non, tu dois commencer tout en bas, tu dois faire preuve d'humilité. C'est pas tous les jeunes qui réagissent comme ça. Ben quand même beaucoup, on en a quand même beaucoup rencontré. C'est vrai qu'on en a rencontré pas mal. Alors que nous dans notre expérience, on a charbonné, tu vois, pour arriver jusque là, on s'est donné, on a bossé comme des passionnés pendant super longtemps. Moi j'ai l'impression que ça pourrait aider justement les gens et moi j'aurais aimé pouvoir y aller. Alors, service militaire. Naïma, voilà, donc, j'ai terminé ma phrase ici. Naïma était super. Pour le truc, alors dans toutes les réactions il y en a eu des tonnes et je vais en lire, hein, comme ça on peut garder un suivi. Et Youyou aussi qui est en train de m'envoyer plein de messages là. Honnêtement, je suis vraiment d'accord avec elle, parce que à l'heure actuelle, quand on voit le 3/4 des jeunes, ils ont plus de plomb dans le crâne. Bon, c'est vrai que ça commence par l'éducation, non, c'est clair, ça, c'est pas vrai, mais... l'éducation ne fait pas tout. Malencontreusement, comme le service militaire a été supprimé, ben, ça a supprimé beaucoup de choses aussi, le respect, savoir se lever, enfin tout genre de trucs, ça apprendre et apprendre un métier aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée, c'est un métier et ça peut ouvrir des portes sur l'avenir aussi. Oui, puis c'est bien pour défendre le pays, bien entendu. Hein. Je ne sais pas si tu es appelé hein, quand tu fais ton service militaire. Non, non, tu n'étais pas appelé, si jamais tu veux toi-même. Soldat, mais on ne sait jamais que dans le cadre où tu sais comment. Voilà, tu as été militaire, oui, puisque tu as fait ton service militaire. Ah, oui, c'est vrai, dans un cadre de guerre potentielle, ben, tu sais comment. Voilà, il ne faut pas former tout d'un coup tout le monde. Rabi nous dit, Rabi, on ne peut pas militariser la société. On t'entend très mal, malheureusement, Rabi. Il va falloir refaire le message, j'entends beaucoup plus ta voiture que toi. Et Youyou qui voulait réagir là dans le standard. J'ai perdu Naïma, les gars, vous pouvez la rappeler. Allô Youyou ? Ouais. Yo, Youyou est dans la maison ! Youyou est dans la maison ! Sur énergie. Alors Youyou, dis-nous ton avis un petit peu sur tout ça là. Bah, moi, le service militaire, je suis contre parce que je trouve qu'à l'époque maintenant où le monde y tourne et que le monde devient fou, qu'apprendre à comment utiliser des armes et à tuer, je trouve que c'est pas une bonne idée. Service militaire, t'apprends à manier une arme, bien sûr. Mais c'est quoi la différence, frère ? Comment tuer aussi ? Ben je sais pas, mais apprendre à tuer, frère. Enfin, t'as pas besoin d'aller au service militaire pour apprendre. Apprendre à manier une arme, c'est apprendre à tuer. Ouais, les gars, de base. Ah ouais. Mais t'es pas obligé de l'apprendre pour le faire. Enfin, je suis désolé. Enfin, le monde, il est de plus en plus fou. Mais faudrait quand même se renseigner peut-être sur des gens qui ont vraiment fait leur service militaire. Est-ce qu'il y a vraiment un usage d'armes, etc. Ou est-ce on dit, bien sûr, on t'apprend à comment manipuler une arme, on t'apprend comment l'utiliser, clairement, ouais, bah, super, dans la base. Après, on t'apprend plein d'autres choses concrètes sur le côté et le cliché, genre tu vas éplucher les patates. Voilà. On t'apprend à faire un pactage, on t'apprend à sauter en parachute. Ouais, chez mon père. Des trucs comme ça, mais il y a les scouts. Bah, y a les... Oui, bon, les scouts. Non, mais c'est beaucoup plus jeune déjà, les scouts. Bien sûr. C'est à ce moment-là qu'on t'apprend une éducation. C'est quand t'es jeune. Alors, Naïma, on t'a perdu. Tu nous excuses, Naïma, mais Youyou a donné Youyou a donné une petite anecdote. Il oui, dit voilà. Je vais donner mon avis. Et bah, explique à Naïma ce que tu nous as dit, comme ça, Naïma peut répondre par rapport à ça. Je disais qu'utiliser une arme et apprendre à comment tuer, c'est pas une bonne idée. À l'époque où on vit maintenant, le monde devient de plus en plus fou. Bah. Excuse-moi, moi je trouve pas vraiment que ce soit la raison principale, parce que regarde, les gens qui apprennent un sport de défense comme le karaté ou le judo, c'est pas pour aller casser, c'est justement savoir se maîtriser. Si tu fais maintenant le constat de ce qui s'est passé avec des armes, si tu fais le compte de ceux qui ont utilisé une arme mal, je suis sûre et certaine qu'il n'y a même pas 1% de ceux-là, de ces personnes-là, c'est parce qu'ils ont fait le service militaire qu'ils ont utilisé leur arme contre les gens. Non, justement, eux, ils apprennent à se maîtriser et l'utiliser pour se défendre. C'est pour défendre une patrie, pour défendre un pays. Les personnes qui utilisent des armes comme ça n'importe comment, c'est parce qu'ils ont regardé des trucs sur Internet, sur... Il y a un militaire pas loin de chez moi qui s'est fait péter au milieu d'un stade de foot avec sa grenade. Oui, d'accord. Il y a aussi l'histoire du militaire là aux États-Unis là qui a tiré dans la foule. Enfin, oui, mais bien sûr. Mais bon, en même temps, les États-Unis, c'est particulier. Bien sûr, maintenant les États-Unis, c'est aussi très particulier. On est bien d'accord. Naïma, excuse-moi parce qu'il y a beaucoup de réactions là qui arrivent. Je sais que quelques-unes là au fur et à mesure. Là, José par exemple qui nous dit. Ouais, il faut faire comme ils ont fait en France. Avec le commandant Marius, il y avait une émission à la télévision là. Ouais, mais il faut nous dire de quoi il retourne. Salut Vince, moi j'ai 16 ans et je sais me lever, je bosse dans une ferme. Voilà, c'est le message qui est envoyé. Quelqu'un qui me dit alors voilà, personnellement, ça me tenterait pas trop de faire mon service militaire. C'est un monde qui m'attire absolument pas, ce qui ne m'empêche pas moi de bien m'entendre avec mes parents, de travailler correctement à l'école, de pas avoir de soucis. Pourquoi est-ce que je devrais moi payer pour entre guillemets une jeunesse qui soi-disant en majorité, il est très intelligent. Mais c'est pour être ensemble. Moi j'aurais aimé par exemple. Franchement, je pense que ça. Pour être ensemble, tu vas au secours. écoutent. Mais c'est même pas ça pour être ensemble, juste déjà, tu sors de chez toi. Enfin, moi je trouve qu'on est déjà ensemble. Regarde, ici on travaille ensemble, on est tous d'origine et de catégories sociales différentes. On a 23 à 33 ans. Mais moi, quand j'avais 16, 17 ou 18, quand j'ai terminé les études, j'aurais aimé. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé dans la vie. Bah à l'école aussi, je veux dire, à l'école on est tous mélangés déjà. Mais non, parce que tout le monde a des éducations différentes. Or là, tu te retrouves sur un code identique pour tout le monde. Tout le monde est à la même enseigne. Ouais, mais pourtant la vie c'est pas comme ça. Hein. En fait. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Genre maintenant t'as des mecs qui sont riches, t'as des mecs qui sont pauvres, c'est comme ça. Donc tu peux pas dire que tout le monde est logé à la même enseigne, même si t'as la même éducation. Non, c'est pas ça. Mais si, c'est, mais c'est clairement ce que tu dis. Espèce, un rite, un espèce de passage. Ouais, un truc militaire, quoi. Je sais pas, moi je trouve ça mal, ça. Moi je trouve que t'as pas besoin de ça. Hein. Moi je pense que personnellement, c'est mon avis, moi, je crois que ça m'aurait aidé à prendre des meilleures décisions dans ma vie au début de ma vie adulte. Je pense. Alors, ça m'aurait aidé à me structurer. Mais ça, tu ne sais pas, tu n'y es pas. Tu sais pas. Si, admettons, t'avais été là-bas en mode adolescente perdue, etc., peut-être que t'aurais rejeté l'autorité. J'ai un pote, il a voulu volontairement, parce qu'il craquait un petit peu dans sa tête, il s'est dit tu sais quoi, je vais en service militaire, je le fais de manière spontanée. Et au bout de 2 mois, il est parti. Ouais, il n'en pouvait pas l'autorité. L'autorité, il ne supportait pas. Moi, j'ai un vrai problème avec l'autorité. Quand j'estime qu'elle est injustifiée, et parfois, l'autorité, elle fonctionne. Elle ne doit pas fonctionner par la peur, elle ne doit pas fonctionner par l'obligation, genre tu dois faire ça, point, ferme ta gueule, la bleusaille, façon ça de parler. Ça marche pas de façon. Ça fonctionne pas sur moi. Une autorité. Et tu sais, parfois, mon père m'avait expliqué, lui, il a été faire son service militaire, il est tombé sur un gros frustré qui était son supérieur. Et tu sentais que quand il réveillait tout le monde le matin, etc., c'était pour en faire baver volontairement. Il trouvait pas qu'il y avait un principe d'éducation derrière. Maintenant, ça dépend sur qui on tombe. Si on a quelqu'un qui a fait son service militaire ou si un militaire qui nous écoute, qui peut témoigner dans l'émission, il est le bienvenu, bien entendu. 3018, s'il a pas WhatsApp, 3018, donc s'il n'a pas WhatsApp. C'est une bonne école de la vie, je trouve, franchement. Parce que la vie te donne des baffes auxquelles tu t'attends pas, t'es pas préparé, tu sais pas quand ton examen va venir. Mais... tu dois, enfin, je sais pas. Mais les militaires, enfin, c'est pas comme si te préparaient à tout ça. Alors, on nous dit Vince aussi à leur apprendre à se dépasser. Mais tu peux apprendre à dépasser toi-même dans ta life, tu fais du sport, t'apprends à te dépasser sur plein de trucs. Je pense que honnêtement, il y a des gens, ils ont une vocation pour être militaire. Tant mieux, allez-y. Maintenant, mais c'est pas devenir militaire. Je crois c'est 3 mois ou 6 mois. Oui, c'est 6 mois, mais c'est un espèce de stage. Ça, c'est mon avis. Et on a perdu Naïma. Voilà, c'est mon avis. Et attention, je suis pas en train de dire que c'est ça la science infuse. Bien loin de là, mais je pense plutôt qu'il faut recentraliser les choses à l'école plutôt que dire à quelqu'un « Ah bah toi, tu sais quoi, tu vas faire ton service militaire, t'as rien demandé, tu vas quand même le faire à partir du moment où voilà, il y a quelqu'un, tu peux avoir d'autres projets. » Moi, je trouve que c'est obliger quelqu'un à faire ce qui ne fait peut-être pas partie de ses codes, de ses envies. Par contre, je suis pour de proposer un truc où des jeunes qui sont complètement décrochage, qui sont au-delà du décrochage scolaire, parce que le décrochage, c'est pas pour ça que t'es quelqu'un qui est indiscipliné, hein, le décrochage scolaire, on est bien d'accord. Ouais, mais peut-être quelqu'un qui est en train de partir totalement en couille, qui soit recentralisé dans un service militaire ou au lieu d'aller en IPPJ. Tu vas en service civique. Oui, voilà. Mais du coup, c'est les gens qui se ressemblent alors. C'est pas tout le monde. C'est que des gens qui sont en décrochage. C'est pas monsieur tout le monde. Mais très bien. C'est pas le premier de classe. Mais si, le dernier tu peux avoir classe. Tout le monde, puisque t'as des gens qui le font toujours de manière spontanée en fait. On a plein de bruit dans cette émission. Mais quand c'est spontané, tout le monde le fait pas. Or là, si c'est obligatoire, c'est un passage et tout le monde s'y retrouve. Ouais, mais et le taux de jeunes qui sont en train de déconner, c'est pas des chiffres affolants en Belgique. Hein. Je veux dire, ça représente toujours une minorité de personnes. C'est pas que pour les gens qui déconnent. C'est bien sûr. Alors, Vince. Je ne connais pas et ça aurait fait du bien, je pense. Regardez vos chaussures, vous reconnaîtrez un militaire à sa tenue. Il sera plus soigné, qu'on nous a dit. Le service militaire, il dure combien de temps? Alors, il peut durer, tu t'enrôles, tu te lances. Avant, en tout cas, je crois que c'était 6 mois. En écoutant les gens, j'ai l'impression que tout le monde est fou. Je sais pas, moi, sortez plus de chez vous. C'est Mélanie qui a écrit ce message, qui vient du Luxembourg, elle. On a tous vu ce que ça a donné dans beaucoup de pays, le service militaire. Alors, le service militaire devait être remis en fonction que pour tous ces gamins qui traînent les rues et un peu plus d'éducation et de respect. Bise l'équipe. Ok, donc on doit compter sur le service militaire pour remplacer le taf des parents et de l'école. Ok. Bon. Ouais, et avant, c'était entre 15 et 24 mois pour le service militaire. De 1914 à 1997. Ouais, mais on est de 1997. C'était aussi long que ça. C'était 12 ans. De 15 mois à 24 mois alors. Ouais. Ah bah est-ce que vous êtes... ah bah ouais, moi je pensais que c'était 6 mois. Bah est-ce que vous êtes toujours prêt à remettre le service militaire pendant 15 à 24 mois? Allez, non, mais tiens. Peut-être c'est un service militaire adapté, mais un espèce de passage. Ah mais c'est vrai, putain, je viens de penser à un truc. Ma mère s'est occupée d'un garçon quand il était petit, que je salue d'ailleurs, peut-être tu l'écoutes, je sais pas, il s'appelle Tom et tout. Putain, et je me rappelle dire que s'appelle Vincent. Non, elle s'est occupée de lui et tout, hein, okay. Voilà, parce qu'il était délaissé, livré à lui-même. Son service militaire est obligatoire. Je me rappelle qu'il était revenu à la maison et ma mère était en pleurs parce qu'elle l'avait plus vu depuis, et ça me revient. Belgien maintenant depuis plus d'un an. Ouais, donc ouais, en fait, il était parti pendant plus d'un an pour un service militaire. C'est 8 mois en Belgique. Hein. Et mais est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt quand même à ça? Je sais pas, c'est long quoi. Vince, mon papa a fait un service militaire et franchement, ça lui a appris beaucoup de choses. Quelques mois militaires pour les jeunes en décrochage scolaire, comme aux États-Unis, pas pour tous. Service de civilité, on nous a dit. Oui, quelque chose comme ça. Alors pas possible le service militaire à notre époque qu'on nous a envoyé. 18 mois a été envoyé. Vince, j'ai également fait mon service. Migoui qui a écrit ça là. Eddie, tu veux dire quoi? Mais moi, je pense que là, nous, on est en train d'analyser la chose de la vision de personnes dont le service dans un pays où le service militaire n'est pas obligatoire. Mmh. Et en Belgique, on n'a jamais été un pays où tout le monde est super patriote, à part quand la Belgique vend si. Du monde ou des trucs comme ça. Non, je suis d'accord. En général, énormément de gens en Belgique sont plus. Enfin, moi, je parle au niveau des jeunes, des gens que je côtoie, etc. Ils sont plus. Dès qu'ils vont avoir une origine un peu différente, ils vont dire ouais, moi, je suis. Par exemple, je sais pas. Ouais, ça c'est partout, mais c'est l'occasion. Je crois que c'est un truc qui. C'est un truc qui se passe pas dans les pays où le service militaire est obligatoire. Par exemple, moi, je devais faire mon service militaire si je voulais avoir la double nationalité. Mm-hmm. Je l'ai pas fait pour des raisons de scolarité, etc. Mm-hmm. Mais je devais faire mon service militaire et ça, je crois que ça m'aurait pas dérangé de le faire juste parce que ça m'aurait aussi appris d'un côté à la discipline, comme on dit, la discipline, l'ordre, etc. Mais aussi d'un autre côté, ça te rend un peu fier aussi de ton pays. Je suis d'accord avec toi. Et je crois que c'est un truc qui est très important. Et en Belgique, on n'est pas très on n'est pas super pro-Belgique. Et ça réunit tout le monde sous une même bannière, toutes religions confondues, toutes. Enfin, voilà. Alors, il y a un message de Rabbi. Ton service militaire pour aimer ton pays. Ça y joue maintenant. Est-ce que c'est... Tu penses vraiment que ça y joue? Ça joue bien sûr parce que voilà, tu t'enrôles pour ton truc, etc. Il y a ta patrie derrière, mais attention. Ouais, mais... Moi, je trouve que être pro patrie, ouais, moi ma patrie, ça crée un autre truc, tu vois. Ça crée un effet un peu inverse. Ouais, ça crée la condescendance comme la France. Je suis contre militariser la société. C'est notre rôle à nous, les parents, d'éduquer nos enfants. Je suis plutôt pour l'instauration de maisons de jeunes avec des ateliers de chant, de danse, de sport. Et arrêtons de diaboliser nos jeunes. Madame Naïma a oublié la débauche des hippies, c'est le message qui était envoyé pour Naïma, voilà, un message qui était envoyé par Rabbi. Oui, bon, maintenant la débauche, ça a eu lieu à toute époque. Hein. Oui, mais ça a eu lieu de toute façon à toute époque. Il y a aussi eu une débauche dans les années 30, les années 20, là aussi, là, avec qu'on appelle ah, ça oui, encore l'entre-deux-guerres. Oui, avec l'alcool qui était interdit. Ah, voilà, la prohibition et tout. Donc il y a aussi des périodes de débauche à ce moment-là. Je veux dire, ça c'est dans l'histoire de l'humanité. Mais on n'a pas dit en plus que les jeunes n'ont aucun problème. Non, c'est souvent le message qui revient, c'est ouais, mais avec les jeunes d'aujourd'hui, d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'hier. Voilà, de toute façon. Hein. Codes, alors, une autre vocale qui est arrivée, et après on se fait le son de Calvin Harris. Pour moi, le service militaire, ça doit être un choix. On est dans une démocratie, tout le monde vote, etc. Donc, c'est un choix. Et les vieux qui disent, ouais, machin, le respect. J'ai 20 ans, je suis respectueux, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas besoin de militaire pour m'apprendre le respect. Voilà, une autre vocale qui vient d'arriver. Et ben voilà, qui est de même avis de Yuyu. En tout cas, Yuyu, Naïma, je vous fais des bisous, les amis. Merci à vous pour votre passage en antenne. Merci. Allez, au revoir. Bisous. Au revoir. Bonne soirée. On a Manon qui va réagir là. Elle est pour le service militaire. Elle est jeune. Et Polo, c'est un ancien militaire aussi. Là, on en parle après Calvin Harris. Et puis, bougez pas. On a le bébé, j'ai déconné, qui va arriver aussi ce soir. On demande Vince, vous appelez quand Dominique? Bon, on a réessayé. Malheureusement, on n'arrive pas à l'avoir. Et Thibaut avait une dernière info à nous donner là, ouais, Thibaut. Ouais, parce que moi, j'ai fait la military run. Ça m'a appris beaucoup de choses quand même. T'as appris à oublier ta médaille surtout. Ouais. Allez. Calvin Harris avec Sam Smith. Ça s'appelle Promises. C'est vrai que la military run, c'était cool, Thibaut. Mais on le ferait pas tous les jours. Ouais, mais ça me dérange pas de le refaire. Mais je le ferai pas tous les matins. Ah, ça, c'est sûr. Non, ça serait un souci quand même. Hein. Allez, bienvenue sur Energy. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight, you acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing on energy, taking promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Énergie le soir. Oh my god, ça se passe avec Vince dès 21h. Mais quel débat, mesdames et messieurs. Oh là là, ça s'envenime et en même temps ça débat bien. C'est pas que du négatif, hein, heureusement. Il y a plein de messages qui arrivent là sur le WhatsApp. Type Coli qui nous dit de base la radio c'est pour écouter la musique, mais c'est bien maintenant. J'attends plus que vos jeux. Un tic tac boom pour encore là arriver au final. Bah écoute, si tu veux un petit, ah oui, pour arriver en finale trop facile, c'est lui qui a gagné donc. Ouais, pour faire un tic tac boom, pourquoi pas là. Instant cliché, Nigel, les Français sont arrogants. C'est vrai qu'il nous a balancé un gros cliché là. Vince, j'ai fini mes examens. Eh ben bravo à toi mon pote, félicitations. Wow. Eh ben finir les examens le 11 décembre, tu crées beaucoup de jaloux, hein, sache-le. Hein. C'est canon. Non, non, non. Profite des vacances mon pote, profite. Hein. Alors Vince, pourquoi pas le service militaire, toute expérience peut être bonne à prendre, si ce n'est l'affaire que de quelques mois qu'on nous a envoyé là. Raph qui m'envoie une blague, Raph je vais la checker juste après là, il va falloir me la renvoyer. Le père d'un pote est militaire, et ben je trouve que ça se voit parce qu'il est super droit. Et je peux le dire comme ça là, super droit. Oui, d'accord. Voilà, très très carré, très structuré et tout. Ah non, mais de ouf. Hein, comme mon père a été militaire, moi du coup le matin c'était range ta chambre, lave, fais ci, fais ça. C'est, tu vois. C'est important. Ouais, bien sûr, c'est important. Il, peut-être c'est le mot il faut militaire mettre, qui il... fait peur. C'est ouais, ça fait peur. Peut-être ton service. Mais point, un tu service. Vois. Service patriote. Chose où tout le monde se retrouve, c'est pendant un temps déterminé. Il y a des règles. Moi, je pense que ça peut être sympa. Et on a l'avis de Manon là ce soir. Allô, Manon. Manon est dans la maison sur Énergie. Manon, tu viens de quelle ville, dis-moi? Je viens de Wavre. Wavre, très bien, de le Béoué, bien sûr. Oui. Manon, tu as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans, et qu'est-ce que tu penses de cette histoire de service militaire, toi? Tiens, dis-nous. Alors, ce que j'en pense, je trouve que pour les jeunes qui ont besoin d'aide, justement, ce serait une très bonne idée pour le service militaire. Comme vous expliquez, là, il n'y a même pas 10 minutes, ce que Lara disait, que pour ceux qui sont en décrochage scolaire, etc., ça pourrait beaucoup les aider de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, etc. Parce que comme on peut apprendre beaucoup de métiers, et c'est très intéressant, et par après... Oui, mais on parlait des élèves, c'est ton avis est super, mais là tout à l'heure, on parlait des élèves en décrochage scolaire. Bon, c'est sûr que ok, mais moi, je sais pas ce que t'en penses, Vince, que c'est pas uniquement pour les gens qui ont des soucis dans leur vie, ça devrait être un endroit de rencontre de tout le monde. J'ai un problème avec les armes. J'ai un problème vraiment avec les armes. Moi aussi, évidemment. Je déteste les armes. Alors, il n'y a pas que les armes dans le service militaire. Bien sûr, on n'est pas en train de faire quelque chose de péjoratif. Il faudrait adapter peut-être. Voilà. Un service sans armes, mais bien avec sûr. Des règles. Parce qu'on donne cet exemple-là, mais il faut préciser que la plupart des activités des militaires belges, c'est de l'humanitaire. Oui. Donc, les armes n'entrent pas en ligne de compte. Voilà, bien sûr. Donc, je donne un. C'est juste que c'est vrai que cette image militaire avec le flingue l'arme, je ne vais pas vous cacher, quand j'étais parti à Las Vegas, je me suis dit, tu sais quoi, je vais dans un stand de tir, voir de quoi il en retourne, pour de vrai. T'as tiré ? J'ai tiré, et c'est très malaisant. C'est sérieux ? Et en plus, le pire, c'est que l'instructeur m'a dit, vous tirez très bien. Quand il m'a dit ça, j'étais encore plus malaisant. Plus malaisant. Je me suis dit, le mec vient de me dire que je suis un bon tireur. Je trouve ça extrêmement bizarre, tu vois. Ouais, ça veut dire, vas-y, va faire ton armée, quoi. Mais tu vois. Mais c'est-à-dire que me dire que je suis bon pour faire un truc, et ça m'a choqué, parce qu'en plus, ils faisaient des ladies et des kids night. Donc, des soirées pour les enfants. T'as des enfants de 12 ans, tu faire ton anniversaire, viens au stand de tir. Je te jure, j'étais choqué quand même. Blague. Ouais, si, à Vegas, j'étais un peu choqué. Je me suis dit, ah ouais, tranquille. Mais bon, voilà, les États-Unis, c'est un autre monde. Et attention, c'est pas péjoratif de tous les États-Unis, puisque les armes sont interdites à New York, je le précise. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des États où les armes sont strictement interdites. Hein. Pourtant, c'est l'État où il y a un mort chaque jour, quoi. Par arme à feu. Par arme à feu, c'est encore New York. Ouais, toujours New York. Bon, ouais. D'accord. Voilà. Parce que le Bronx a beaucoup changé. Hein, c'est vrai. Ouais, ouais, le stade des Yankees qui est dans le Bronx et tout, c'est très bien. C'est limite UP maintenant. Voilà, ça a beaucoup changé. Grâce à Jello. Alors, Vince, tu casses cache quelque chose. Alors, ouais, grâce à Jello, merci pour l'info. Donc, Manon, toi, service militaire, si on te proposait d'y aller, parce que, alors, attention, avant, c'était pour les mecs, mais pas pour les femmes. Mais justement, ça serait trop bien pour les filles aussi. Donc, alors, il faudrait que ce soit pour les filles. Mais est-ce qu'on met les mecs et les filles ensemble? Ça, je sais pas. Et voilà. Ça, c'est la question. Pourquoi pas? Manon, t'en penses quoi? Ça va quel? Tout le monde dans le même sac ou juste... Ah bah, le truc, c'est que on parle d'égalité, on parle d'égalité des sexes, on parle d'égalité de la jeunesse, égalité de tout ça, bah alors du coup, service militaire, ça peut être ensemble. D'ailleurs, il y a un film, je sais pas si vous avez vu ce film dans les années Gallup, là, qui s'appelle, les années Gallup, c'est dans les 90s, un film qui s'appelle Starship Troopers. Oui, non, Starship Troopers, c'est un film de Paul Verhoeven, je crois, gars qui a fait blindé de films, mais Starship Troopers, ça raconte l'histoire d'une armée de la Terre entière, qui est c'est un système militarisé, c'est-à-dire que le système de la Terre, la Terre est unie, mais elle est militarisée, c'est-à-dire que tout fonctionne par le service militaire, etc., pour combattre les armées d'arachnides. Dites-nous si vous connaissez ce film, là, les amis, sur le WhatsApp, là, 0492-222-002, le film que je vous invite à aller voir parce qu'il est super. Au-delà des effets spéciaux, il y a quand même tout un délire, vu que l'univers se passe dans un système totalitaire militaire, donc nous fonctionnons dans un système militaire, où il y a les hommes et les femmes de toute origine et ethnie différente qui combattent ensemble. Ah, super. Okay. Ah ouais. Donc, dans l'idée, j'ai trouvé ça génial quand j'ai vu ce film. Et les hommes et les femmes sont sous la douche ensemble. Donc, en fait, on est vraiment dans. Ça se passe dans le futur. Ah et... non. Oui, non, mais justement. Ah non. Non, mais le truc, c'est. Attention. Non, mais ça, je suis pas en train de dire que c'est bien. Comme ça ici, si bien sûr. Mais j'ai trouvé ça intéressant que les hommes et les femmes étaient rangés à la même enseigne. Ils étaient, les hommes comme les femmes, mis sur. Voilà, ils étaient un sur. Ils étaient sur le même pied d'égalité, que ce soit pour des rôles, etc. Il n'y avait pas d'hommes ou de femmes. Il y a même, je crois, une Marshall qui est une femme, puis il y a une Marshall, c'est un mec, et puis il y a le mec qui démissionne, c'est la femme qui prend sa place. Donc en fait, dans ce monde-là, les femmes et les hommes sont uniques, sont unis face à une invasion de trucs, ça on s'en fout. Ouais, mais j'ai trouvé ça intéressant, je me dis, bah pourquoi pas dans l'idée, mais est-ce que c'est vraiment faisable? Je pense pas. On dit, oui, Vince, le film c'est de la bombe, je l'ai vu 3-4 fois, là, il est trop fort, on nous dit. Non, mais avec des règles, ça ne veut pas dire que nécessairement les chambres sont mixtes. Il peut y avoir des activités ensemble, etc. Bon, après, on va dire, ah oui, oui mais voilà. Alors, il faut aussi voir quelle est l'orientation sexuelle des femmes qui sont ensemble. Donc, bien sûr, mais maintenant, si on fait service militaire, est-ce que c'est pour que les mecs comme avant, ou alors est-ce que c'est pour les hommes et les femmes? Non, pour les hommes et les femmes. Mais voilà, d'accord, mais je demande l'avis des gens. Mais je voudrais l'avis des gens, parce que tout le monde a dit, ouais, je suis pour. Est-ce que vous êtes pour les femmes aussi? Ah oui. Du coup, c'est ça la question. Polo, qui est avec nous. Bonsoir, Polo. Oui, Polo est dans la maison. Ça va, Polo? Ça va, merci. Toi, t'es un ancien militaire, Polo. Ouais. Et raconte-nous un petit peu là, le service militaire. Est-ce que t'es pour le retour ou pas, toi? Oui, bien sûr. Pour les hommes ou pour les femmes ou pour un des deux? Pour mes femmes, hein, égalité des chances. Hein. Très bien, parce qu'avant, à l'époque, on est d'accord que c'était que pour les hommes, le service militaire. Oui, mais les femmes se battent pour l'égalité des chances, alors il faut. Il faut commencer qu'on parte. Il y a beaucoup de pays où c'est mixte. Hein. Ouais. Moi, quand j'étais là, c'était sous base volontaire, mais il y avait des femmes aussi. Et des femmes je pense qu'il y avait des femmes avant. Des aussi, femmes qui faisaient la même chose que toi et tout ça. Ouais. Génial, tant mieux. Moi, je trouve ça positif. Mais hein. Oui, mais c'est top. Donc, c'est... Alors, Vince, peut-être pas chambre et douche mixte, mais aucune différence homme-femme. Ah, Polo, tu as des notifications. Hein. On dirait qu'il sera un jeu japonais, là. Je passe toute l'énergie, les amis, écoutez-moi. Donc, toi, Polo, t'es prêt, t'es chaud pour que ça revienne tranquille et que ça se réinstalle. Toi, tu militerais pour quoi? Ah, oui, bien sûr. Ok. Maintenant, on n'oblige pas les gens à faire le service militaire, mais tout le monde a. Vous jouez des Call of Duty et tout le bazar, jeux de guerre, armes. Bah, déjà, tu joues à Call of, t'es un peu. Déjà, tu fais ton service militaire online, déjà. Ouais, c'est ça. En virtuel. Il y a un appel. En théorie, même, en fait. Oui, mais après. Ah non, dans la pratique, c'est pas pareil. Hein. Voilà, rien à voir. Et voilà. Là, tu apprends des choses pratiques, des choses bien, des choses mauvaises aussi, mais exactement. Voilà. Après, c'est à chacun, mais dans la vie. Ma vie n'est pas parfaite. Hein. Eh ben, c'est bien dit, c'est bien précisé. On arrive tout de suite sur Énergie. Bougez pas, le son de Bad Bunny avec Drake, ça s'appelle Mia. Et puis on a Bébé, je les connais aussi, qui débarque ce soir sur Énergie. Vince est dans la maison. Énergie et David Guetta vous offrent votre soirée du 31 décembre grâce à la phrase Énergie. Salut la Belgique, c'est David Guetta. Écoutez Énergie et je vous offre votre soirée du nouvel an. Son, lumière et déco, on s'occupe de tout. Prévoyez des potes, ça va être une soirée de dingue avec Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur énergie.be et l'appli Énergie Belgique. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Toutes mes stars musicales préférées sont dans ma playlist Énergie. Énergie. Énergie. It's music only. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Allez, welcome sur Énergie. Vince est dans la... Mais c'est cela même. Le mot de la fin, ça va arriver tout à l'heure sur Énergie. On a BBG déconné là avec Ilias qui est avec nous. Bonsoir Ilias, comment ça va mon pote? Je vais voir si je vais le mettre à l'antenne avec la machine. Moi j'essaie, ça va pas. Ah bah c'est bon, j'ai réussi. Salut Ilias. Salut Vince, c'est toute l'équipe, ça va ou quoi? Ilias dans la maison! Ça va Ilias? Ça va, tranquille ou quoi, Vince? Ça va mon pote, on est là, on est bien, on est posé ouais. Tous les soirs là. Ilias, ouais, tu viens de quelle ville, dis-moi? Bruxelles. Ah bah tiens, bah la capitale. Bah ouais. Bruxelles, V. Ouais, attends, avec le son, c'est mieux. Bruxelles, V. Voilà qui est fait. T'as quel âge, dis-moi Ilias? 24 ans. 24 ans, tu travailles dans quoi, toi? Je suis dans le commercial. Dans le commercial, ah, c'est un vendeur. T'as un smartphone ou pas? Ah bah écoute, comme tout vendeur qui se respecte hein. Ah ok, non ça va parce que moi généralement quand y a un mec me dit ouais moi je suis dans le commercial et je lui demande est-ce que t'as un smartphone, il fait non j'ai un vieux téléphone. On a compris le commercial là. Ouais, on sait que tu travailles chez Samsung après. Voilà. Bon Ilias, bienvenue à toi sur Énergie. C'est la première fois que tu passes à l'antenne? Franchement, ouais. Ah bah franchement, bah bravo à toi. Ouais, putain, bravo. Et pour une première fois, l'homme se lance carrément dans quelque chose qu'on appelle ici le bébé, j'ai déconné. Hey. Il va faire une blague à sa meuf. Qu'est-ce que tu vas faire comme blague à ta meuf la soir? Ah, je vais lui faire croire que j'ai trompé. Encore trompé? Wow. Mais c'est quand vous faites une blague genre j'ai dilapidé tout l'argent de la maison, j'ai craché la caisse, j'ai pas fait exprès, j'ai balayé ta grand-mère, ta mère. Non. Non, mais du coup, j'ai balayé ta grand-mère, ça a conscience. C'est pas toujours de la tromperie, vous voulez toujours foutre la... En plus, je sais que c'est Nigel qui fait partie des coprodes de cette émission, enfin qui est le coprode en fait, qui fait pas partie puisqu'il est le coprode hein, de cette émission, qui se dit ouais, on va faire la tromperie encore, on adore la tromperie, c'est bien de tromper. Ou alors ça vient d'Eddy ce soir peut-être, hein. Voilà. Eddie? Non, ça vient de Thibaut. C'est Thibaut qui aime bien les tromperies. Ah tout ça. Oui, oui, effectivement. Non, ça vient de l'auditeur en fait. Bon, bah, à bon dernier, il faut savoir. Bon, Elias, la blague, on va la faire à Sarah, c'est bien ça? Ouais. Et en gros, tu vas lui faire croire que tu l'as trompé, mais dans quelles circonstances? Quel contexte? Genre en vacances avec un pote, genre, il y a des copines qui nous m'ont présenté, tu vois. Et donc, du coup. C'est parti en sucette à ce moment-là. C'est parti vraiment en sucette. Tu pars en sucette sans ta copine, toi? Enfin, plutôt en vacances sans ta copine? Écoute, c'est bien, c'est vrai que la confiance elle règne. Voilà, ouais, tant mieux. On va aller faire une petite blague, hein, on va voir un peu comment. Tant mieux, mais quoi, attends, on va voir un peu comment. Est-ce que tu l'as vraiment trompé ou pas, ta copine? Ah, ah, il avait du temps à répondre. Putain, je te jure, rien que le. Qui nous a balancé là. On connaît, hein. Le rire que tu nous as fait, Elias, il dit beaucoup, hein. Allez, service militaire. Allez, c'est bon. Je vais lui faire croire que c'était en soirée. Là, alors, ouais. Il m'a présenté des trois copines. Oh, tu vois, il a peur de dire que c'était en vacances parce qu'il a vraiment trop fait ça. Il veut pas mentionner. Hein. Oh my god. Allez, mon pote, c'est parti. On appelle tout de suite Sarah. J'espère que tu es prêt. Ready. Aïe, aïe, aïe. Ouais, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Concentrez tout le monde. Et ben, on appelle juste après. Ah. Bad Bunny. Et merci. Avec Drake. Oh my god. Ça s'appelle Mia, welcome sur NRJ. Yeah. Todos están pendientes a ti. Woo. Pero tú puesta pa' mí. Uh-huh. Haciendo que me odien más. Yeah, yeah, porque yeah. Todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan. Conmigo te vas, que dejen de tirarte, que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo. Y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mía desde la high. El yerno favorito de tu Mike. El caco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu bobo que dejen de darte. Mais tout le temps bien ce morceau. Hein. Entre minuit et une heure, vous avez l'occasion de l'entendre le vendredi dans Extravagance quand je prends les patines. Bad Bunny avec Drake, ça s'appelle Mia. Interagis en direct avec Vince sur Énergie avec WhatsApp. On marre dans la maison. Et comme elle dit Lara, sur Énergie. Leslie est dans la maison. Johan est dans la maison. 0492 222 002. 0492 222 002. Oui. Allez, welcome sur Énergie. On est là, on est présent, on est ensemble les amis. Merci d'être connectés. Est-ce que vous soyez étudiant du secondaire, du supérieur, bon courage pour vos examens, pour le blocus. Et courage à tous ceux qui sont en train de travailler également de nuit là. J'ai qu'il y a pas mal de personnes qui taffent de nuit. Avant de se lancer dans mes BG déconnés, je m'adresse à ceux qui sont en train de bosser. Je voudrais que vous me disiez quel est votre métier les amis. Je voudrais savoir, voilà, c'est quoi votre taf, dans quoi vous travaillez. Dites-le nous sur le WhatsApp. Je vous donne le numéro de téléphone. Si vous n'avez jamais envoyé de message à la radio, n'hésitez pas, vous pouvez essayer. Vous allez voir, ça fonctionne. C'est le 0492 222 002. N'est-ce pas Richard? 0492 222 002. Aussi simple que ça. Quel est votre taf, les amis? Vous travaillez dans quoi? A. François, livreur de mazout sur chantier. Oh bien. François, auditeur très fidèle. Je salue Manon qui nous a dit Vince, je vous écoute jusqu'au bout dès que je peux. Et c'était la première fois pour moi de passer à la radio. Le stress était présent. T'as géré. Vraiment, c'était ouf. Vince, je bosse de nuit tisserand à Moucron. Original, tisserand. Sécurité mobile pour ma part, de la part de Laurent. Anthony, pour pas mal d'hommes. Ah oui, ça c'est pour l'autre sujet là, Anthony, je garde ça. Routier, toujours boulanger, Laurent de Serein. On ne change pas un taf qui gagne. Les boulangers, on aura tout le temps besoin. Agent de sécurité aussi, Yassir, il nous envoie une note vocale. Ça dit quoi, Yassir? Les examens, c'est de l'eau. J'espère pour toi, mon pote. Bon courage, Nadir. Moi, chauffeur poids lourd, là, je livre pour les magasins Lidl. Ah, pour Lidl? Fais pas tomber des trucs du camion, hein. Vince, merci pour ton message. Alors, agent de gardiennage mobile. Vince, je suis cariste chez Abby InBev, exclusivement de nuit. Étudiant au foyer qui est envoyé. Boulanger, pâtissier, patrouilleur, préparateur de commandes et chauffeur-livreur. Là, c'est de la part de Julie et Michel chez Valfray. N'hésitez pas à balancer la marque si vous voulez aussi. Hein. Nous, c'est tranquille, hein. C'est avec plaisir. Hein. agriculteur et je suis occupé sur mon champ en ce moment. C'est fort. Hein. T'es en train de cultiver quoi, dis-nous, là, toi qui nous envoies ce message pour la première fois. C'est ce soir qu'il nous envoie des messages. Et il a 16 ans, hein. Il a 16 ans. Ah oui, c'est le jeune garçon qui parlait là tout à l'heure. Totalement, il est toujours là. Il travaille dans une ferme. Oui, Rabbi, chauffeur Steve qui est dans la maison également. La Vince, je bosse dans la découpe de verre. Seb, je sais qu'on a des casseurs de verre qui nous écoutent aussi. Des casseurs de verre. Ah, ouais. C'est le bonheur. Ah bah Greg, bah justement, on parlait d'eux. Travaille chez Sprimo Glass, usine de verre. Bonne soirée les clips. Est-ce qu'il le souffle? Mais ça fait longtemps qu'il nous a plus envoyé, tu sais. Ah ouais. C'est un truc qui casse tout là. On casse tout et boum là. Bon courage, Nadir. Oui, Nadir, il a entendu son propre prénom. Nadir. Mon métier est cariste. Titi est dans la maison sur Énergie. Meilleure équipe. Conducteur de Soulard à Bruxelles. Oh. Ok, taximan. Vince, je viens de finir mon service dans un restaurant du côté de Namur. Big up la team. Ah, oh, merci. Mais c'est tellement bien de recevoir vos messages qui arrivent en masse. Ça tue. 0492-222-002. Osgur. Moi, je suis prof d'anglais. Je prépare un examen pour dans quelques jours. Ah, bah, bien. Formidable. Secondaire, école supérieure, dis-nous tout. Good point. Étudiant en construction qui a été envoyé. Étudiant en construction. Cool. Ah. Putain, lourd de ouf là. Nigel, t'as fini de jouer avec la lumière depuis là tout à l'heure. Mais non, mais en fait, je suis en train de régler parce qu'il y a Eddie et Thibaut qui se font, qui sont en train de se tuer avec une lumière. Ils ont mal aux yeux. Ah ouais, d'accord. On est en train de régler les lumières du studio en même temps. C'est ouf. Berber. Commis de cuisine, l'ami. Gastro. Big up à toi. Ah vrai, tu me donnes faim toi aussi. Vendeuse dans un sunset. Ah bah oui, Caroline. Toujours boulanger pâtissier. Encore. Ligne 80, Vince, qui est envoyé pour la Stib. Eh, hey, on salue la ligne 80 qui t'a écouté. Big up à vous. Vince, je suis élève à l'école. C'est un chouette métier être élève à l'école. Bah, moi, tu connais Vince, bah, oui. Chauffeur routier. Je ramasse le lait dans les fermes pour LDA. Voilà, et on vous écoute tous les soirs. Oh, ça déchire. Bloc up. Alors, attention, parce qu'on m'envoie plein de trucs. Je suis créateur de meubles de décoration. Oh. By Julien Decker sur Facebook. Ah, je vais regarder. By Julien Decker. Allez checker ça. Franchement, ça a l'air sympa. Je vais cliquer. Tiens, je vais garder ça en boîte. José. Patrouilleur sécu mobile. On les salue, technicien itinérant Rico. Yassir, notre vocal là, ça dit quoi? Arius Renard, à bise. Arius Renard. Attends, je remets play, il a dit quoi? Arius Renard, à bise. Oui, mais par rapport à quoi? Marius Renard a bisé, je sais pas pourquoi, frère. D'accord. Il travaille à Marius Renard. Ah, ok, bon, c'est le quartier. Hein. Yo, dommage pour le chauffeur Lidl, Eurotrafic ou Sudfresh. Voilà. Merci pour tous ces messages, j'en ai vraiment eu blindé, j'ai même pas eu l'occasion de tout lire, c'est pour vous dire. 0492-222-002. D'ailleurs, je crois que même vous avez fait bugger le téléphone en fait. Les gars, le téléphone est dead? Ouais, depuis tout à l'heure, il bug. Hein. Ouais, qu'est-ce qui se passe là avec le téléphone? Des réactions et tout parce qu'il y a trop de messages. Ah merde, putain. Oh, il y a tout qui vient d'arriver d'un coup. Ouais, tout arrive d'un coup et du coup ça bug. Emmerdeur de la hotline, on nous a envoyé Caroline Vince. Moi je bosse dans le commercial, je vends des gilets jaunes à moins 50%. Ah, c'est en train de cartonner d'ailleurs sur Amazon les gilets jaunes là. Vince, moi je suis accompagnateur de train, travaille de nuit chez Sprimo Glass, usine de verre. Bonne soirée à l'équipe encore. Agent de sécurité intervenant seul dans mon zoning. Oh purée, le flip quoi. Bon courage. Chauffeur chez Jet Trans avec mon poteau Toto. Big up à tous les chicons là qui a été envoyé. Ouais, big up voyante et tout ça. Chauffeur livreur de gaz industriel en cadre bouteille. Ok, alors pilote de tram, Omar. Big up à toi Omar, merci pour ton message. Pilote de tram, là, dis-nous quelle ligne tu fais là. Si tu fais 86, tu représentes. Vince, je travaille livraison, je livre toutes les banques et assurances sur Bruxelles et dans les alentours de 9h à 3h du matin. Moi, livreur de médicaments de nuit qui m'a été envoyé. Et je découvre des métiers, hein, c'est génial. Mal, ouais. Livreur de sushis, Luxembourg. Luxembourg, Bruxelles tous les jours. Quoi ? Le sushi, Luxembourg, Bruxelles tous les jours. C'est un truc de ouf ça. Tu livres la matière première quoi, parce que si tu livres des sushis, c'est plus très frais effectivement. Comme ils cuisinent sur Liège, je suis agriculteur aussi, j'ai 15 ans, quelqu'un qui m'a envoyé ça, mais c'est ouf. Ah, on vous aime. Non mais vraiment. Respect à vous, on vous aime. De dingue. Conducteur poids lourd dans les magasins Lidl aussi. Mais franchement, mais si vous avez des radios entre vous, entre vos tafs, là, balancez-vous des messages. Hein. Il faut écouter Vince le soir. Enfin Vince, l'émission, pas moi. Enfin c'est pareil. En même temps, c'est moi. Vince, pourquoi pas pourquoi c'est pas mon prof? Si mon prof envoie des messages sur WhatsApp, Vince c'est du lourd. Ah, ça peut être ton prof. Ouais, je sais qu'il y a des profs qui nous écoutent le soir. Étudiant bio-ingénieur, les gars, c'est Alizé qui nous envoie ce message. Courage pour le blocus. Et respect d'ailleurs, il y a des bio-ingénieurs. Ils ont réussi à créer une méthode pour fabriquer du pétrole à base d'algues. C'est vrai ? Ouais, ça y est, c'est fait, on y est là. Mais c'est pas commercialisé parce que ça fait chier Total et tout ça. Bientôt l'algue, ça va coûter 500 millions d'euros le kilo. Ouais. Non, mais ils vont acheter le brevet. C'est mort. Peut-être. Il dit. Soit ils achètent le brevet, soit ils se retrouvent avec une balle dans la tête. Hein. Ouais, tu vois le truc, c'est grave. Étudiante infirmière de retour du cinéma avec ma classe et quelques professeurs. Oh, c'est trop gay ça! C'est génial! Faut au cinéma avec l'école. Ah, mais grave, et tard en plus. Hein. Il y a encore plein de trucs, j'ai pas eu l'occasion de tout lire. Je vais lire vite Cindy là. Moi, je suis agent immobilier au Luxembourg. Et en même temps, je travaille en tant que serveuse dans un restaurant de temps en temps. Ah, bah très bien. Agent immobilière et serveuse. À Luxembourg, ça chope des thunes. Non, malheureusement. T'as dit quoi ? Maçon, malheureusement. Bah, pas malheureusement, t'es ouf, attends, putain, j'ai besoin de toi d'ailleurs. C'est super comme métier. Mais grave, Vince, premier message, collecteur de lait, comme l'autre collègue, mort de rire, bonne soirée. À vous, Cyril, merci pour ton premier message, Cyril, ça fait vraiment plaisir. Vince, je suis magasinier carrelage à Grilly-Verviers, je vous invite tous demain, car j'ai de belles promotions. Je dois passer à Verviers vendredi, moi. Je serai à Verviers vendredi. Ah, voilà. Cool. Donc voilà, d'ailleurs, s'il y a des jeunes de l'IPS de Verviers qui sont en train d'écouter. Surprise, exactement, mais je vais venir tout calme, on va pas foutre la merde. On fout jamais la merde quand on va les écoles. Je suis agriculteur, j'ai 15 ans, je vous kiffe. Mais j'adore, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de jeunes agriculteurs là. Bon les amis, on retourne au bébé, j'ai déconné. Ilias, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis là. C'est parti, bébé, j'ai déconné avec Ilias tout de suite sur l'énergie. Ilias qui vient de BX Bruxelles. Bruxelles. Et on appelle Sarah tout de suite, il va faire croire qu'il a trompé en vacances avec son pote. Enfin, il n'a pas couché avec son pote, mais... Enfin, ça, on ne sait pas. Hein. En tout cas, il a une histoire. On y va, c'est parti. Allez. Allô ? Attends, ça sonne. Allô ? Yes. Allô ? Ouais, ça va ? Allô ? Pourquoi tu m'appelles en privé ? Bah, écoute, je vais appeler à le travail, donc j'avais besoin de... Attends deux secondes. Attends. Ouais, t'es là ? Ok, c'est bon, dis-moi. Tu disais quoi? Pourquoi t'as pas entré vous? Je disais que le numéro du travail, j'avais appelé une entreprise pour ça que j'avais mis mon numéro en privé, tu vois. Ok. Tu vois, toi, ça va ou quoi? Ouais, ça va. T'as une drôle de voix. Ça va, j'ai passé une journée un peu tendue, quoi, tu vois. Ouais. Un peu chaud. Ok. Et j'ai aussi pensé un peu à ce qu'on, tu vois, une discussion dont on avait parlé, tu vois. Laquelle? Ouais, quand je suis revenu là, tu me dis, ouais, genre j'étais bizarre ou quoi, tu vois. Je n'ai pas compris. Bah ouais, t'as changé. Je sais pas. T'as dit que t'as changé, quoi. Il y a un truc. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc. Ah. Truc, je sais pas moi. Pourtant, je sais pas, on sort, on fait. Tu vois, on fait ce qu'on a à faire. Ouais, mais je sais pas. Je trouve que depuis, t'es devenu un peu... je vais pas dire distant, mais il y a un truc, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Comment ça? Mais je sais pas, j'arrête pas de te dire à chaque fois que tu me dis non, il y a rien, mais au plus tu me dis ça, au plus je me dis qu'il y a un truc. Mais bon, peut-être que je flash, peut-être que je paranoie, je sais pas. Bah écoute, moi j'ai un truc à te dire, je sais pas comment est-ce que tu vas prendre ça, mais voilà quoi. Tu vois? Ok. Tu vois, quand je suis parti avec Salim à Toulouse. Ouais. Bah, je t'avais dit qu'on était sorti un peu avec ses potes et tout. Mm-hmm. On est sorti, on a un peu bu et tout, tu vois. Il y a des copines à lui qui sont revenues, tu vois, des potes de longue date, tu vois. Mais tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de filles. Ouais. Mais bon, ça c'était au début de la soirée. Après, tu vois, ils se sont croisés, ils ont dit 2-3 embrassages, tout, ils sont venus à la table, tu vois ce que je veux dire. Ok. Et puis, tu sais quoi, on a bu, puis voilà, il y a eu quelque chose, mais voilà, je voulais t'en parler, mais c'était un peu tendu, tu vois. Parce que... Attends. Et tu m'annonces au téléphone? T'es sérieux? Bah, écoute... C'est pour ça que tu voulais pas me voir depuis 2-3 jours, là. Non, je t'ai dit, j'avais du travail. C'était un peu compliqué, tu vois, j'avais des rendez-vous et tout, tu vois, c'est chaud. Ouais, mais ok, mais pourquoi tu m'annonces ça au téléphone? Bah, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir, c'est... Voilà. C'est compliqué, quoi. Ok, continue. On a bu et tout, ballon, tu sais quoi. Et il y a sa copine, il y a eu un peu rapprochement, tu vois. Et je voulais pas. Il y a eu rapprochement, tu vois, et donc c'était un peu. Non, rapprochement, c'est pas un mot. Tu dis bien. C'est quoi rapprochement? Pourquoi tu me parles de rapprochement? Ça veut dire quoi, rapprochement? Ouais, tu parles bien. On a parlé, on a bu un peu. Puis c'est tout. Il y a eu. Ouais, vas-y, mais accouche. Bah, de toute façon, voilà, quoi. Non, mais parle bien. Sérieux. Il s'est passé quoi? Pas, t'es une fille trop bien pour que je te dise ça. Je peux pas te dire ça, tu vois. Je peux pas. J'ai déconné et voilà, quoi. Tu vois, c'est compliqué, quoi. En fait, tu te fous de ma gueule. Non. Non, mais t'es en train de te foutre de ma gueule. C'est ça l'excuse que t'as trouvé, t'es une fille trop bien. Quoi? C'est ça l'excuse, en fait. C'est trop bien. Excuse, mais je suis là, tu je suis te fous de ma gueule. Non, mais tu te fous de ma gueule. Je viens te dire ce qui se passe, là, tu me dis, je me fous de ta gueule. Déjà, de un, je viens te le dire, tu vois ce que je veux dire. Tu me le dis au téléphone. Non, mais voilà, quoi, tu vois. Tu peux bien réagir. En tout temps, tu as bien réagir. Je veux dire bravo. Félicitations, merci. Merci beaucoup, je me souviens de quoi maintenant, quoi? Bah écoute, je te mérite pas. Je sais, je te mérite pas, tu vois. Mais ça, c'est une disquette de film, en fait. Je t'explique, hein. Comment ça? Ça, c'est une disquette, genre, je te mérite pas. Et c'est une raison pour tromper? C'est pas tromper, voilà, je te le dis, quoi, tu vois. C'est pas comme si, tu vois, je fais une erreur, voilà, je viens avec mon erreur, je te le dis. Tu vois, c'est pas comme si je viens... Tu vois ce que je veux dire? Alors, les auditeurs, ils nous entendent pas, comme ça, vous savez. Ah non. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. C'était un peu dur, j'ai gardé. J'ai l'impression qu'Ilias a vraiment trompé, en fait. Après, maintenant, voilà, je viens vers toi. On dirait qu'il se sert de nous pour faire genre c'est une blague. Mais je voudrais votre avis, peut-être que je me trompe. Je vais venir te le dire, tu vois. Donc, voilà. Après, non. On dirait pas qu'il fait une blague, tu vois. On dirait qu'il avoue un truc. Il est sérieux. Voilà. J'espère que... Il joue tellement bien que ça paraît vrai, Audi. Tu pourras comprendre que... Voilà, quoi, que t'es une fille trop bien pour moi, quoi. Il ose pas le dire, oui. Ça, c'est sûr que je suis trop bien pour toi, mais ça, c'est sûr et certain, déjà. Et deuxièmement, j'ai jamais entendu une excuse aussi bidon de toute ma vie. Et il y a plein de gens qui sont d'accord avec ce qu'on a dit. Hein. Tout simplement, et t'as rien trouvé d'autre à dire que je suis trop bien pour toi. Non, t'es juste un connard et un chien. C'est simple. Pourquoi un chien? Déjà, le chien de la classe. Les chiens, ils n'ont pas de différence entre femmes. Ils couchent avec toi, c'est tous des animaux. T'es un animal. C'est simple. Les hommes, c'est tous des animaux, de toute façon. C'est simple. Et toi, t'es le plus grand des animaux. Ça va? Le plus grand animal, il est venu, t'as dit ce qui se passe. Je m'en fous. Le mal est fait. Tu crois quoi maintenant que je vais mieux dormir? Je vais me sentir mieux? Oh, trop bien. Moi, j'étais honnête, je suis venu chez toi. Mais je n'ai pas assez de honnêteté, en fait. J'en ai jamais assez de honnêteté. Il ne fallait pas tromper, point. C'est simple. C'est pas trompé, c'est une erreur. On ne vous demande pas grand-chose. Moi, mais c'est pas possible. En plus, tu me dis au téléphone. Tu te fous de ma gueule au téléphone. Et apparemment, je suis trop bien pour toi, mais je ne suis pas assez bien pour me dire en face. Je t'ai dit, c'est compliqué, je pouvais pas. J'étais pas bien. Comment c'est tu pas veux compliqué, j'ai des remords, je te le dis. Mais le truc, c'est que je suis pas arrivé. Mais moi, je dois savoir, je dois parler avec Ilias avant. Je peux pas dire que c'est une blague alors qu'en fait, c'est pas une blague. Non, mais. Voilà, quoi. Je vais raccrocher à Sarah.

Pardon? Bah, je t'ai dit, comme toi, tranquille, on parle sérieux, là. C'est et bon. Comment tu veux rester calme après avoir entendu des imbécilités pareilles? Mais quelle imbécilité? Je t'ai dit ce qu'il y a, je pouvais pas garder ça pour moi. Quoi, maintenant? Bon, déjà, ça, je veux même plus en parler parce que t'es une grosse merde. Ça, arrête, c'est clos. Ouais, c'est merde. Va mettre passer la sortie dans la bouche. Hein, t'es ça, je suis désolée, tu veux m'annoncer ça, tu me le dis en face. Et tes potes, là, qui sont en train de fun life foot de ma gueule, je vois pas pourquoi tu dois rajouter ça, en fait. Ouais, elle a raison. Pourquoi? Donc à partir du moment où tu estimes que je suis trop bien pour toi, alors il faut faire les choses telles quelles. Moi, déjà, je t'ai dit déjà, c'était pas possible, ces temps-ci, c'était difficile. Pour ça que j'étais, tu vois. Donc maintenant, je t'ai appelé. En fait, le mec, il a préparé son prank depuis super longtemps. Ouais, de ouf. Maintenant, tu veux garder ça, tu veux faire caca nerveux. Je t'emmerde, Allez, c'est là dans combien de temps? Merde, elle a raccroché, putain, c'est pas nous, là. Là, c'est elle qui a raccroché. Là, j'y suis pour rien. Merde, bon, qu'est-ce qu'on fait? On l'accueille ici ou on dit que c'est une blague? Mais à la radio? Non, si, ce qui est bien, non. C'est que tu peux mettre un son. Comme ça, là, genre, je sais pas, là, 3 minutes pour essayer d'arriver, on est bien. Eddie, qu'est-ce qu'on pense, Eddie? Non, il y a un petit détail. Vous avez peut-être pas entendu, mais elle a dit, ouais, je vais pas aller chez toi, là, je vais aller chez ta mère. Donc, du coup, elle est en route vers sa mère. Là. Ah merde, mais non, je pensais qu'elle venait ici direct. Je crois qu'elle va venir ici, non? Non, mais elle a dit, je vais foutre Louina chez ta mère. Donc, elle a dit, je vais tout niquer, mais chez ta mère. Donc, du coup, elle va pas venir ici. Va jamais arriver. Bon, tu sais quoi, on va lui dire que c'est une blague alors, hein. Mais juste après Dinoro avec In My Mind. Galotri flippe. Mathématiquement, on devrait y arriver. C'est, le son dure 2 minutes. Elle arrivera pas chez ta mère dans 2 minutes. Elle habite à combien de temps chez ta mère, Elias? Elle a même pas 25 minutes comme ça. Bah, ça voilà, ça va être tranquille. En voiture, en plus, on va mettre un quart d'heure. Elle va là en fait. Ah, c'est dommage qu'elle vienne pas chez nous. Mais moi, je pense qu'elle va venir. Hein. Attends, on va lui demander si elle vient à Chaussée de Louvain 1675. Alors, du coup, on l'accueille. On lui dit d'abord que c'est une blague avant de l'accueillir. Bien sûr. En plus, c'est drôle, ça n'a même pas fait la puce à l'oreille quand on lui a dit écoute la radio. On arrive, Dinoro, In My Mind, let's go. On arrive tout de suite, bouge pas, Elias. Ce soir. On va tout casser. Tant qu'on est bien assis. On va casser les couples, malheureusement. Vince, 21h minuit sur Énergie. Ouais, bienvenue sur Énergie. Tout de suite, on récupère Elias. La suite du bébé, je les connais. Troisième partie, mon Dieu, mais ce bébé, je les connais, est immensément long. Oh, c'est incroyable. Wow. Allô, Elias, est-ce que tu nous reçois? Allô, Elias? Ouais. Ah super, maintenant je te capte, 100%, parfait. Bon Elias, l'heure est grave. Est-ce que ta copine a essayé de t'appeler là par hasard? Elle a envoyé des messages. Alors, elle va vers où exactement? Elle va faire chez ta mère ou elle va vers chez nous là? Elle vient chez ma mère, je crois là. Ok, bah tu sais quoi, on l'appelle, tu lui demandes. Vas-y. C'est parti, ça appelle. Si jamais elle dit je vais à Louvain, Chaussée de Louvain, on l'accueille. Si elle dit je vais chez ta mère, on dit que c'est une blague. Let's go. Si elle vient ici, on lui casse les dents. Non. Elle fait de la boxe, arrête, reste calme. C'est elle qui va te casser. Boxe anglaise. Allô, ouais. Tu vas où, là?

Mais dans quelques temps, vous allez en rigoler, quoi. Mais oui. Ce soir, c'est sûr, vous allez ken. Attends, quand la vidéo va sortir, là, on va te reconnaître. Non, non, non, non. Je ne ferai rien sans la vie d'Elias et la vie de Sarah, bien entendu. Enfin, la vie d'Elias, du moins. Parce que j'ai l'impression qu'Elias, il est du genre à y aller en kamikaze, lui. Voilà. Bon, Sarah, écoute la suite de l'émission, ma chérie. Branche-toi sur énergie. Ne fais rien de grave chez sa maman. Parce que Elias n'est pas là-bas, de toute façon. Elias, bah, t'es où, là? Comme ça, elle vient de casser la gueule. Voilà. À la maison, chez moi. Allez, voilà. Va lui casser la gueule maintenant. Allez, viens. Crochet du droit, boum, boum, tac, tac. Allez, c'est fait. On va régler ça. Ça va faire l'amour comme il faut. Allez, Sarah, on te fait un bisou. Ouais, c'est ça, il peut toujours rêver. C'est une manière de faire l'amour, hein, de frapper. Enfin, je déconne. Non, il n'y a pas. Oh, Sarah. Il m'a manqué de respect. Franchement, moi, je ne veux plus le voir. Oh, pétain, et voilà, casse tes couilles. Il a qu'à retourner en vacances avec son pote, il a qu'à trouver quelqu'un là-bas, je m'en fous, moi, je ne veux plus le voir. Et Bardaf, c'est l'embardé. Non, c'est bon, moi, il ne fout pas de ma gueule comme ça. Moi, c'est pas des blagues à faire. Il me connaît en plus. Il sait très bien que je rigole pas avec ça. Ah, je crois que c'est pour ça qu'il a voulu le faire. Sarah, écoute ma chérie. Enfin, c'est, moi je dis ma chérie alors que c'est ma biche, il dit. Voilà. Ça prend pas la confiance, t'as pas attention. Hein. T'inquiète pas, Elias, t'inquiète pas, Elias. Je vais pas prendre la confiance, je vais te laisser ta charrette tendre. Elle fait de la boxe, moi ça me fait peur déjà, je déconne. Écoute, Sarah, t'inquiète pas, je comprends, il faut le temps que ça redescende. Dis-toi, Elias, bravo à toi, parce que toi tu vas repartir avec des chouettes cadeaux déjà, puisque t'as réussi le bébé, j'ai déconné. Et ma chérie, ma bêche, Sarah. Tranquillou, parle avec Elias, discutez. Voilà, il a voulu te faire une petite blague comme ça. Et c'est la première fois qu'on avait bêché déconné qui est aussi long. On l'a démarré il y a 45 minutes. Ouais. Mais on s'attendait pas à des mésaventures pareilles. Donc voilà. On te fait un bisou en tout cas. On te souhaite une très bonne soirée, Sarah. Ça va? Ça va, merci. Bisous. Ouais. Bisous, Sarah. Au revoir, Sarah. Bisous. Au revoir. Au revoir, Sarah. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Elias, je viens de raccrocher avec Sarah. T'es dans la merde. Alors là, mon pote, on va un petit peu calmer tout ce bordel avec. À mon avis, Lady Gaga. Duel de parfumerie ce soir. Ah oui. Bah écoute, on t'appelle demain pour savoir ce qui s'est passé. Je crois que tous les auditeurs vont vouloir savoir ce qui s'est passé. C'est un comique, lui. Un bisou, Sarah. Bisous, Elias, pardon. Vas-y. Ciao, Elias. Ouais. Bye bye, mon pote. Raccroche pas. Lady Gaga avec Bradley Cooper. Shalom. On arrive tout de suite sur Énergie. On va, tu sais quoi, on va se faire un petit délire, le tic-tac boom là ce soir et mot de la fin on arrive. Ah là là, briseur de couple que nous sommes. Vince est dans la maison. Oh, do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. In the shallow, la la la low. 21h minuit. Tous les soirs. Vince est sur Énergie. Les amis, je reçois des notes vocales de ouf. Notamment celle-ci, Lara, c'est une dédicace pour toi, comme ça tu sais, Lara. Est-ce que tu es prête? Oui. Attends, avec ton micro, c'est mieux, voilà. Est-ce que tu es bien prête, Lara? Oui. C'est parti, je clique sur la note vocale, elle dure deux secondes. T'es toujours là? Voilà, c'était pour toi. Flotteurs préférés. Vraiment, les casseurs flotteurs, c'est vraiment ça, tiens. Parlons de casseurs flotteurs, Orelsan était avec nous sur Énergie aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Quel show de dingue, incroyable. Ah ouais. Lui, il est chaud. Vraiment. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, allez voir la photo sur Énergie Belgique que je vais mettre sur la page VINZ. Elle est extraordinaire. Voilà, la photo d'Orelsan avec toute l'équipe d'Énergie. J'y étais pas parce que mon fils était malade, je suis resté à la maison avec mais mon fils. Mais j'y étais quand même. Mais j'y étais quand même. Trouvez Et si la vous arrivez à comprendre le pourquoi, vous savez quoi? Eh ben, on va mobiliser tout le monde, tout de suite, maintenant, directement. Sur l'Instagram Énergie Belgique. Je vous invite sur l'Insta Énergie Belgique, comme vous l'entendez, Énergie Belgique. Allez dessus, allez voir la dernière photo. Et la personne qui me trouve, eh ben je dirai respect, je citerai son nom à l'antenne. Je veux le nom en commentaire. Où suis-je sur cette photo? Si vous arrivez à me trouver, franchement, respect. Sans y être, j'y étais. Si vous avez Instagram, Énergie Belgique, les amis, allez commenter la photo. Et dites-moi si vous me voyez. Je vais lire vos commentaires. Alors, voyons voir. Comment est-ce qu'on fait pour les avoir par ordre encore? Quoi? Les commentaires, j'arrive pas à les avoir par ordre. Ils apparaissent. Ils arrivent, ouais, sur Instagram. Je sais pas. Donc, vous allez sur Énergie Belgique. Il y a une photo, la dernière photo qui a été publiée, pas en story, hein, donc en publication. Faut la liker. C'est la photo d'Orelsan avec les membres d'Énergie. Je suis sur la photo sans y être. Comment est-ce possible? Si vous avez une idée, likez, proposez. Alors, voyons voir. Je vois une petite mise à jour. Eh, c'est bizarre parce que les commentaires augmentent. Mais oh, quand y a je vais, il y a plein de personnes qui likent. Mais ouais, mais en fait, quand je vais sur les commentaires, j'arrive pas à les lire parce qu'en fait, ça met pas les nouveaux commentaires. Eh, bah, comment ça se fait sur Instagram? Ça c'est quand t'as trop de commentaires d'un coup. Regarde, Instagram là. Ouais, c'est quand t'as trop de commentaires d'un coup. Mais commentez la photo comme ça, on vous voit. Ouais. Bah, en fait, il la commente, mais quand je clique dessus pour 24, lire les commentaires, ça. Il y a 24 secondes, il y a Bad Bad qui dit. Ah, mais il donne la réponse. C'est bien, t'as trouvé Bad Bad. Voilà, l'écran. Il y a Kylia. Bah, il est écrit Vince. Alors, Vince dans le cadre. Voilà, ouais, vous avez trouvé, Maxime effectivement. Aussi. Ouais, c'est drôle que ça se met. Parce qu'en fait, c'est passé de 6 commentaires à tout d'un coup 31. Et le problème, c'est que quand je clique dessus, ça s'affiche pas. À part deux personnes. Ouais, c'est Insta qui vérifie le truc ou quoi? C'est quoi? Ouais, je pense que c'est Insta, ouais. Quand il y a plein de commentaires d'un coup, il regarde. Je pense qu'il regarde que c'est pas du spam, en fait. Ah, d'accord, ok. Donc, allez-y sur Énergie Belgique, essayez de me trouver. Voilà. Vous allez comprendre. Il y a Jérôme qui a trouvé. Il y a Marinou aussi qui a trouvé. Exactement. Thierry. Ah. Voilà. Laurent. Non, mais formidable, hein. Extra cette photo. Formidable. Franchement, respect. Traded Monkey. Aizu. C'est quoi, je vais la mettre sur mon. En story, là. Sur mon, ouais, s'il te plaît. Sur mon truc. Nono. Ça va être sympa. Nono aussi a trouvé. Bon, j'ai le plaisir d'accueillir Germain dans le standard. Salut Germain. Salut Germain. Germain dans la maison. Energy. Germain, tu viens de quelle ville? Je viens de Marche-en-Famène. Marche-en-Famène est à la maison ce soir. J'ai pas de musique de Marche-en-Famène. Quel dommage. Bah, il marche, hein. Ouais, ok. Des gens qui ont faim. Des gens qui marchent. Et qui ont faim. Marche-en-Famène. Marche-en-Famène. Voilà, bienvenue à toi sur Énergie. Germain, tu fais quoi dans la vie? Oh, bah, je suis étudiant, là, les examens. Ah, très bien. Il y a eu un truc récemment au Wesh de Marche-en-Famène qui était sympa ou pas? Bon, je regarde pas trop ça, non, je sais pas. Tu vas pas, tu vas jamais le Wex. Les années 80. Ah, je me disais bien. Non, mais ouais, c'est une grosse salle, ils font des Julien Clerc et tout, je crois qu'il y a eu. Ils font des Julien Clerc. Je te jure, Julien Clerc, c'est gros quand même. Évidemment. Oh, non, mais tu sais, parce qu'on dit toujours, ouais, il y a un jour, un auditeur, il passe en télé, ouais, Marche-en-Famène, il n'y a rien chez nous, tu parles. Vous avez le Wex de Marche-en-Famène avec des organisations de. Des trucs de ouf. Il y a en 2019, il y a Mesmer qui va là-bas en plus. Oh, oui, putain. Ah, cool. Ah ouais. Sympa. Non, mais vous avez des stars qui viennent de temps en temps. Hein. Voilà, vous avez même le show de Noël avec les plops, tous les lutins plops. Ouais, lutins plops et tout. Ouais. Génial. C'est magique. Bon, en attendant, Germain, c'est avec nous. C'est pour jouer au Tic Tac Boom. Oh, tu fais partie de ceux qui sont dans l'émission. Il y a Nigel, il y a Lara, il y a Eddie, il y a Thibaut. Et moi, je pose des questions. Et toi, tu joues juste après Nigel. Est-ce que c'est bon pour toi, Germain? Ah. Ouais. Super, le tic-tac-boom, je pose des questions, vous devez répondre, tant que vous répondez mal, ça reste sur vous, et okay. Si jamais vous répondez bien, eh ben, tant mieux, ça passe au suivant. S'il y a une bombe qui explose, c'est le principe du tic-tac-boom en même temps, s'il y a une bombe qui explose sur vous, eh ben, vous êtes éliminé. Même si vous avez, admettons, redonné la bonne réponse, mais que le gong tombe sur votre réponse, vous êtes éliminé, ou si la question tombe sur votre réponse, on est bien d'accord.

Ouais, c'est elle. Ou à Paris Saint-Germain dans la maison. Putain, c'est complètement Saint-Germain-des-Prés, alors si tu veux aussi. Vince, en plus, histoire de fou à vous raconter, j'aimerais savoir si c'est de la poisse. Si oui, que dois-je faire pour conjurer le sort? Michele, bah, on va garder tes coordonnées. Demain, on va t'appeler pour participer à l'émission et pour faire un sujet, visiblement, les poisses. On a déjà fait un sujet sur les poisses depuis le début de la saison, là. Ouais, on en a fait un, mais si. Oh, non, mais non, on n'a pas parlé des poisses. Non. Mais si, on a déjà parlé des poisses. On a parlé de ça, on a parlé des poisses. Ouais, on a parlé des poisses. Elle n'a pas été tournée autrement, non, ça. Non, non. On l'a reformulé autrement, mais c'est la même chose. D'accord, avec grosse bise. On peut le faire. Hein. Bah, on va voir un petit peu, ça dépend du sujet. Tu sais quoi, il passe à l'antenne, il raconte son truc, il n'y a pas de problème. La poisse, ça revient. Hein. Grosse bise, bah ouais, complètement. À Alizée du Fermier, bah voilà, message bien passé. Le karma, Vince, qui avait été fait comme sujet, visiblement, ce qu'on m'a dit là. Peut-être bien. Karma Nakamura. Yo tout le monde, je vous aime de Neufrais là. C'est Antoine qui a écrit ce message. Et encore un petit message là. Oui, Vince, les pires poisses. Ah bah merci PNO là. PNO toujours à l'affût de cette émission, c'est incroyable là. Vince, est-ce que c'est possible de finir l'émission avec une chanson de Lara? Oui, oh. Bah, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne idée, pourquoi pas? On vous laissera choisir laquelle. Oui, parce que Lara est une chanteuse également, j'étais impressionné. Ah, c'est vrai? Ouais, elle chante. Quel respect. Ouais, de ouf. Bon, attention, les amis, vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est concentré dans cette émission? Je demande à Ellie de regagner sa place. Nous allons jouer tout de suite au Tic Tac Boom avec Germain. Germain, tu n'oublies pas, tu réponds juste après Nigel, ça va? Ok. Formidable. Quand Nigel a dit une bonne réponse. Quand Nigel a dit une bonne réponse. Exactement. Je vous rappelle,